89.9 FM. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. Alex Marchand viendra nous raconter les péripéties de l'Association Générale des étudiants de l'UQTR. Et on vivra des aventures alimentaires dans notre segment préféré, une grosse pointe d'adresse. Assemblage Rookie commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à l'Assemblage Rookie en ce jeudi 2 mars 2017. On est en direct des studios à Trois-Rivières. On est à 56 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Blantin. Et moi, Tania Bourdin. C'est Tania, ça va? Ça va bien. T'es rendu avec une nouvelle mousse de micro blanche, c'est quoi ça? Oui, exactement, c'est un cadeau que j'ai eu en fait. Félicitations. Merci beaucoup. Tu vas l'attacher le mucus d'ici la fin de l'émission? Probablement oui. Ouais, ça va pas bien la gorge. Hein? Non, pas vraiment. Je dirais qu'à chaque fois que je parle, j'ai l'impression qu'il y a des couteaux qui. Des couteaux? Ouais. Oh! T'es une fille violente, avec toi-même. Exactement, mais on va faire de notre gros possible pour pouvoir être capable de parler ce matin. Ben, c'est déjà bien que tu sois là, je l'apprécie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On verra pour la semaine prochaine, hein? Ben oui, exactement. On verra. Donc aujourd'hui à l'émission, on a Alex Marchand à 8h pour la chronique de Loge et UQTR. On va parler de ce qui s'est passé depuis la dernière chronique et ce qui va se passer depuis jusqu'à la prochaine chronique. On a aussi à 8h30, après Alex Marchand, en fait, dans ce quoi-là, hein? On va voir Tania Esgolin-Tania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vais vous parler de ce qui s'est passé un petit peu dans les découvertes de l'actualité cette semaine. Donc, ce qui a retenu mon attention, ce qui n'a pas nécessairement fait le tour des gros journaux comme d'habitude, comme pas mal beaucoup de jeudi, mais je vais vous présenter ce qui a retenu mon attention. Super ça! Et puis, en fin d'émission, bien sûr, une grosse pointe d'adresse. Alors, on va débuter dans quelques instants avec la chronique de Gadget Inutile. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, qu'on fait de moins en moins souvent par manque de temps, hein, c'est comme ça. Mais avant de faire ça, par contre, on écoute une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est pas nécessairement le genre de truc qu'on aime tant que ça, toi et moi. Ouais. Mais pour varier un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute? On va aller écouter un duo qui s'est formé d'un groupe marocain et d'un groupe français. Vous allez voir, ils ont deux styles bien différents. On parle de groupe doué et cheveux. On s'en va écouter Je penche. Oh, et cheveux avec Je Penche. Tant qu'à avoir groupe doigts et cheveux, là, j'aimerais ça avoir peut-être un cover band de ça qui s'appellerait genre groupe pas pire pis poil de poche. Oui, ça serait pas pire. Maintenant, voici, ça existe, ça ne devrait pas. Oh là! Mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique dans laquelle on parle de gadgets ridicules achetés sur Internet. On le regrette instantanément aussi qu'on appuie sur Buy It Now. Ah, ok, oui. Alors, on commence par quelque chose de quand même assez particulier et que je n'haïs pas. C'est le calendrier Perpetuum. Il y a des calendriers papier, on sait, là, des chats, des beaux bonhommes pompiers, peu importe. Là, bon, c'est cool. Mais vous devez le remplacer à chaque année. Hein? Mm-hmm. C'est comme ça. Par contre, maintenant, vous allez pouvoir changer ça avec le Perpetuum Calendar qui va améliorer votre bureau sans jamais avoir à être changé. En fait, sa base est inspirée par les usines du début du 20e siècle. C'est imprimé en 3D, soit en plastique métallique gris ou encore en nylon noir de jet. C'est ça, c'est des morceaux d'or en 14 carats qui marquent les heures de la journée, les mois et les jours. C'est jour, mois et c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ça ressemble à du ciment un peu. C'est comme une règle. OK. Divisé en trois sections, un peu comme des escaliers. Et puis, t'as une petite pastille dorée qui va se changer de place pour aller sur le mois. Donc, tu vois que mois, c'est écrit mois dessus, puis jour, c'est écrit jour dessus. Mm-hmm. Donc, le mois va devant, disons, je sais pas, mars, et l'autre pastille de jour va devant le 2. Et tu peux changer comme ça tous les jours. C'est un peu comme les calendriers des jardins là, qu'on voit des fois sur les murs des entreprises. Donc, même principe, mais en plus joli. Ça fait très old school, très industriel. Très old school. Ouais. Ensuite, on parle d'une... Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Les salles de bain publiques. On commence par dire que les salles de bain publiques, c'est un petit peu dégueulasse. Parfois, vraiment beaucoup, aller faire un tour dans celle du pavillon de la vie étudiante des filles. Apparemment, que celle des filles, c'est pire que celle des gars. Oui. J'y vais jamais. Tu sais, on dit tout le temps que les gars, c'est pas mal plus sale que les filles. Là. Effectivement. Aller dans une salle de bain, là, vous allez vous rendre compte que les salles de bain des filles sont vraiment plus dégueulasses. Donnez des exemples. Si tu as tes menstruations. Ouais. Ta serviette sanitaire en temps habituel, tu l'enveloppes de papier et tu la jettes dans une poubelle. Vous avez pas un petit réceptacle dans chaque cubicule, là? Ça peut arriver. Ouais. Mais certaines font juste comme... Flac! Les foirer sur le mur. C'est dégueulasse. Pourquoi? Comment? Je sais pas pourquoi. Je fais honte à ta race. Écoute, vraiment. Bref. Puis c'est sur à peu près n'importe quoi, c'est dégueulasse aussi, donc il n'y a pas juste une salle de bain. Bon. Donc ici, ça s'appelle le urétrottoir urinal planter qui attaque les deux problèmes. C'est fait de deux boîtes, celle du haut a des plantes de la terre fertilisée. Okay. Et la portion principale est un urinoir qui envoie ton pipi sur le foin qui est dans la boîte du dessous. Ça fait comme de l'engrais. C'est ça. Donc il y a un sensor qui va te dire quand la paille doit être changée. Et ça va pouvoir l'amener à une place où il y a du compost pour aller t'en débarrasser de cette paille-là. Et éventuellement, ça va redevenir d'autres choses. Et puis, ça va nourrir les fleurs sur le dessus de l'urinoir. Donc, c'est vraiment comme de l'engrais. C'est présentement en essai à Paris. Et on pourrait voir ça dans les années à venir. C'est joli en plus. C'est pas fou. Ouais, donc un urinoir qui fait pousser des plantes. Ensuite... allons-y avec du chocolat modulaire. C'est le fun de jouer avec sa nourriture. C'est cute. On aimerait pouvoir jouer à Tetris avec notre chocolat. Je suis d'accord. Hein? Donc maintenant, c'est encore plus acceptable avec Compliments Modular Chocolate. C'est une collaboration avec une agence de design qui s'appelle Universal Favorite et Bake Down Cakery, donc une boutique de gâteaux. C'est des moules imprimés en 3D qui vont créer des morceaux de Lego presque mangeables qui peuvent être empilés dans une variété de combinaisons pour créer vos propres bonbons uniques. On peut peut-être utiliser du chocolat noir, mettre des fraises, je sais pas, on peut faire des combinaisons de pistaches, de matcha, plein de trucs comme ça, biscuits crème, miam, cerise, melon d'eau, vanille, citron, pourquoi pas. Et c'est ça s'imbrique un dans l'autre. C'est vraiment très beau, en fait. Ça devient des petits cubes, c'est comme des escaliers, je dirais, c'est pas littéralement comme des morceaux de Tetris, là, mais proche. Ensuite, Drinko, tu connais Plinko, est-ce que t'as déjà écouté The Price is Right? Oui, ben oui, j'ai déjà écouté The Price is Right, voyons. Ton je revenais de l'école le midi parce que j'avais la chance d'habiter quand même proche de mon école primaire. Puis j'avais la chance aussi que ma mère était une maman quasiment à la maison. Ouais. Là, elle travaillait que les fins de semaine pour pouvoir faire nos lunchs. Fait que quand on arrivait le midi, c'était sa seule tâche. The Price is Right! Oui! Fait que toute l'heure du midi, on écoutait ça. Ben imagine, tu pourrais combiner ta jeunesse. En fait, oui. Ta jeunesse, c'était déjà, j'imagine, de boire beaucoup d'alcool. Mais combinons ta jeunesse. Jeunesse et... point une alcoolique. Ta jeunesse était plus tard dans ta jeunesse, mettons. Et ta jeune vie d'adulte. Ouais. Mettons. Avec le Drinko. C'est comme un Plinko à The Price is Right, donc avec les petites pinouches. Mm-hmm. Et là, tu jettes un jeton en haut et ça descend à travers les corridors et ça tombe dans quelque chose. Donc ici, ça pourrait tomber, le pion, dans un verre qui porte la lettre D-R-I-N-K-O. Et évidemment, tu vas devoir boire le shooter. Voilà. C'est le fun d'avoir six shooters différents pour que tu saches pas nécessairement dans lequel tu vas tomber. Absolument, avec différentes, peut-être même toutes des drinks genre avec du colorant dedans pour que ça paraisse pas ce que c'est. Je suis bien d'accord avec toi. Donc c'est une petite pièce de plastique qui va descendre dans un des verres et on doit boire le contenu $40.22 canadiens. Ensuite, on reste dans ce qui se boit ou mange. Ici, c'est le Zera Food Recycler qui rend la fertilisation facile à la maison en 24 heures. Donc on a parlé tantôt de l'urinoir. Ça là, on parle de fertilisation de compost, de mettons. De compost. C'est et non exact. Pas de quelqu'un de fertile. Non. OK. La confusion était pas du tout là, mais ouais, OK. Ben, tu vois, parce que moi, dans la vie, je me dis qu'il y a peu de choses qui sont fertiles autres qu'un être humain. Ouais, mais non. Tandis que compostable. C'est vrai. T'as raison, mais c'est quand même du fertilisant. L'utilisation du mot est quand même assez douteuse. Ouais. Bref. Donc, c'est le Zera Food Recycler qui est capable de transformer une semaine de nourriture en compost, on va utiliser ton mot, hein, pendant seulement 24 heures. Ça pèse 118 livres. L'appareil va entre ton comptoir de cuisine et autre chose. Donc, ça peut être sur le côté de ton comptoir, ça peut être entre le comptoir et le poêle, peu importe, n'importe comment. Et ça accepte les déchets de nourriture alors que c'est les produits. Donc, que quand tu finis de manger une pomme, ton cœur de pomme va dans le réceptacle. Et ça garde les odeurs à l'intérieur grâce à un filtre de carbone HEPA et un couvercle très serré. Une fois qu'une semaine environ de déchets est à l'intérieur, on lance le Zera Additive Pack. On appuie sur un bouton et on laisse ça runner comme un lave-vaisselle là, pendant 24 heures. Il y a des lames qui vont tout trancher ça et des ceintures vont surveiller la température et l'humidité. Et l'Additive Pack est fait de bicarbonate de soude et d'autres ingrédients et ça sert de catalyste pour s'assurer que tout se fasse en dedans d'une journée. Ça coûte $1000 le système avec une boîte de 24 Additive Packs pour $50. Donc quand même, 1050$, mais ça fait du compost. Et quand même. Quand même. Ensuite, le Holy Good Vibes, pour s'endormir plus facilement et plus naturellement. Ah! C'est intriguant, hein? Encore une fois, je l'ai dit, j'ai vraiment pas de difficulté à m'endormir, mais toi, c'est totalement le contraire. Totalement. Hier, je me suis endormi sur le divan vers les 18h, réveillé à 20h30. OK. Ensuite, je me suis recouché vers les peut-être 22h30. Je me suis réveillé vers les 4 heures du matin. Est-ce que tu crois que c'est à cause de ça que tu dors trop dans ta journée? Trop? Non, je pense que je suis trop épuisé par ma journée et par mon chat qui me réveille la nuit. Ah, possible. Ouais. C'est pour ça que je dors en bloc. C'est pas le fun. Bref, tout ça pour dire que Holly s'est fait connaître il y a 2 ans avec l'ampoule Sleep Companion et ses nombreux capteurs. Celle-ci visait à faciliter l'endormissement et le réveil. Et bien maintenant, la start-up française dévoilait Bonjour, c'était il y a 1 an, pour évaluer le meilleur moment du réveil. Et maintenant, c'est Good Vibes, un activateur de sommeil 100% naturel. Donc, le trouble du sommeil est un vrai problème pour plusieurs. L'endormissement fait souvent partie des soucis rencontrés. Good Vibes utilise la méthode du yoga 4-7-8, donc 4 lumières LED pour permettre à l'utilisateur de synchroniser sa respiration. Lorsque l'appareil est rouge, il faut inspirer par le nez pendant 4 secondes, jaune pour retenir sa respiration pendant 7 secondes et orange pour expirer pendant 8 secondes lentement. Et expirer pendant 8 secondes lentement? Ouais. On retient, on retient. 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, ça se bien. Tu trouves? Pas en parlant. pas en ayant l'état de ma gorge, voilà. Mettons. Bref, bon nombre de participants ne jurent que par cette méthode. Holy Good Vibes est disponible pour environ 50€, un tarif quand même pas trop pire. Ouais, pas pire. Le Holy Good Vibes est 100% naturel, donc non connecté, pas intelligent du tout, ça se branche pas dans le nuage ou rien. Ensuite, ça veut dire que tu fais ça quand t'es pas capable de t'endormir. Ouais. Mais tu peux faire les 4, 7, 8 sans nécessairement avoir le Holy Good Vibe. Vraiment, parce que là, on s'entend que c'est un petit peu comme... C'est un peu infantilisant. Hein. Finalement, c'est juste une ampoule qui te dit quand changer. T'es capable de le faire toi-même. Ouais, c'est ça. Hein? Mais t'as le 4, 7, 8, gagne. 4, 7, 8, 0, 3, 4, 0. Patricia Parkin. maintenant, je sais pas. Le Kun Kun, le gadget qui vous prévient si vous sentez mauvais. Je pense qu'on a tous cette peur-là. Oui. De sentir mauvais. Donc, l'ingénieur de chez Konica Minolta a conçu un capteur capable de détecter le diacétyl, l'ammoniaque ou encore l'acide isovalérique, responsable de nos odeurs corporelles. Cet appareil va être commercialisé cet été au Japon, un pays où l'hygiène est une valeur cardinale. Cette mésaventure est déjà arrivée à tout le monde, donc, d'avoir l'impression qu'on sent. On ne s'étonnera donc pas d'apprendre que c'est au pays du soleil levant qu'a été conçu un petit capteur portable qui avertit son propriétaire lorsque sa chimie corporelle est susceptible de le trahir en société. Baptisé Kun Kun, ce qui veut dire sniff sniff. Hein? Ce gadget a été conçu par un ingénieur du Business Innovation Center de chez Konica Minolta sur la base d'une plateforme d'analyse co-développée avec l'Institut de technologie d'Osaka nommé HANA pour High Accuracy Nose Assist, donc assistance nasale à haute précision. L'appareil qui fait à peu près la taille d'un smartphone est capable de déceler les composants chimiques associés aux odeurs corporelles comme la transpiration ou celles étant liées à certaines tranches d'âge. L'odeur de notre corps évolue en effet avec l'âge et l'activité des glandes sébacées et sudorées part. Il a même été prouvé que, contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas les personnes âgées, mais les quadragénaires qui développent l'odeur corporelle potentiellement la plus dérangeante. Muni de Kun Kun, un utilisateur peut donc mener une analyse rapide. Le gadget transmet les informations par liaison sans fil à l'application HANA, installée sur un smartphone qui livre alors son verdict. Le Kun Kun sera commercialisé à partir de cet été au Japon. Son prix n'a pas encore été dévoilé. Donc, on va suivre ça. Ensuite, le premier sofa à source libre s'en vient chez IKEA. C'est quand on parle de modifications ajoutées de tierces parties, un peu comme un ordinateur. Donc, on pourrait modifier avec le temps. Donc, IKEA travaille sur un sofa qui devrait être le rêve de tous les hackers. Donc, ça s'appelle Delactig, qui est une plateforme personnalisable avec une variété d'ajouts de tierces parties. Et selon le Wall Street Journal, ça va être disponible en début d'année prochaine, 2018, c'est bien ça. Donc, Delactig va mettre en vedette un cadre en aluminium, donc une carcasse en aluminium, et une base en bois, qui va être complètement, évidemment, ça va venir en morceaux, il va falloir le monter soi-même. Ça va ressembler plus à un lit qu'à un sofa. Sa carcasse va permettre une variété d'accessoires de d'autres compagnies que IKEA à être ajoutés par-dessus, par exemple, des appuis-coudes, de la lumière, une bassinette, un lit style loft. Donc, la ligne a un nom suédois qui veut dire « faire partie de quelque chose », donc « Delactig ». C'est le projet que Tom Dixon chez IKEA agace depuis 2016. Il a appris en décembre que 3 écoles de design avaient été engagées pour créer le système de plug-in. Les étudiants au London's Royal College of Art ont eu l'idée d'un écran de protection, donc un écran de vie privée si on veut, une bassinette pour bébé et un mur de tablette parmi d'autres designs qui vont pouvoir être ajoutés à ce divan IKEA. Donc voilà, on va pouvoir créer des accessoires pendant toute la vie et toujours garder la même base. C'est vraiment intelligent, je trouve. Vraiment. Donc, la ligne devrait être lancée au début de 2018 avec une lampe additionnelle en option et d'autres accessoires qui vont venir par la suite. IKEA dit que Delactig va être dans le milieu de leur prix de sofa, donc entre 400 et 900 $ américains. Ensuite, c'est pas si fou du tout. Ensuite de ça, on parle de 400 $ pour avoir une copie de l'appartement de Seinfeld dans la sitcom. La sitcom dépendait des gens. Donc, c'est sûrement l'appartement le plus connu de l'histoire de la télé. Donc, si vous voulez remplir cet appartement de figurines de quelconque sorte, vous allez pouvoir vous acheter votre petite réplique de l'appartement de Seinfeld avec une grande attention aux détails. En fait, c'est fait sur une échelle de 1 pour 26. Oh. Ça mesure 16 pouces d'horizontale. Il y a 100 éléments miniatures, dont des meubles, des assiettes, des tasses dans les armoires. Pour vrai? Ouais, il y a un Macintosh, comme Jerry Seinfeld avait dans l'appartement près de la fenêtre. Wow! Il y a même une petite porte qui attendra votre propre Kramer. Donc, tout dans la réplique a été fait de métal, de plastique, de bois et de tissu, avec une finition peinte à la main. Donc, l'appartement a l'air d'avoir été vraiment comme... on a vécu dedans, on dirait tellement que ça a été peinturé à la main pour avoir l'air usé un peu. Donc voilà, il va y avoir seulement 5000 ensemble, 400 $ pour l'avoir avant le 1er mars, donc c'est pas assez. Mais maintenant, après ça, le prix monte à 500 $ à partir de maintenant, US. Et la livraison devrait être en juin cette année. Wow! Ensuite, on parle souvent de café, de trucs pour augmenter ta bonne humeur le matin. Maintenant, c'est du café avec une infusion de vin. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Maintenant que le mois de mars est commencé, le rêve de tous. Oh! C'est vendu par Uncommon Goods. Wow! Donc, si vous êtes sur le marché pour recommencer à boire de l'alcool et en buvant du café en même temps, pourquoi pas vous permettre ça à 20 $ le sac? Hey boy! OK, yes. Non, on va passer... Ouais, mais là, il y a du merlot dedans. C'est marqué 100% barrel-aged arabica beans, donc des grains de arabica, ouais. Qui ont été vieillis dans un baril. OK. Voilà. De merlot. De merlot, voilà. OK, peut-être. Pas pire, hein? Ensuite, ah, ça c'est tellement classe, hein? Après avoir bu du café au Merlot avec le petit bas dans les airs, on va vraiment se gratter à bedaine avec ce porte-papier de toilette qui est fait pour tenir une canette de bière puis une coupe de vin. Exactement. C'est génial. Donc, super classe. On peut acheter ça sur une boutique Etsy qui s'appelle Solid Ink 3D pour 20$ américains. Donc, 20$ pour du café au Merlot ou pour un porte-papier de toilette avec de la bière. C'est à vous de décider lequel est le plus rentable. Ensuite, on a tous déjà vu passer sur Facebook, et même je crois qu'on avait parlé à l'émission, de la lumière qui s'allume tout seul en dessous de votre lit. Donc tu te lèves, t'as la lumière qui s'allume. Donc ça, c'est un principe vraiment cool. Il y a aussi, sinon, les lumières qui s'allument sur la barre de toilette pour pouvoir viser correctement. Ben là, on dépasse un peu ce principe-là en ayant des lumières qui s'allument toutes seules pour quand tu montes les escaliers. C'est vraiment une bonne idée. Donc, t'as un sensor et à chaque pas que tu fais, le reste des marches commence à s'allumer à rythme de peut-être 3 d'avance environ, je dirais. Ouais. Donc, pour réduire les risques d'accidents dans les escaliers, vous pourriez installer ça, ce kit d'illumination, des bandes de lumière qui sont discrètes en dessous de chaque escalier, chaque marche, et qui vont s'éclairer à votre pas. Donc, voilà, vous allez voir une vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ensuite, c'est des dés, en fait. Des dés pour la douche, pour se laver. Évidemment, bon, des savons, ça peut avoir plusieurs formes. Ici, c'est donc des savons en forme de dés. Sauf qu'une fois que tu as terminé d'utiliser ton savon, à l'intérieur de ton dé de savon, il y a un dé pas de savon. Ah, mon Dieu. Donc, c'est 3 savons à odeur d'agrumes. Un dé 20, un dé 10 et un dé 8. Donc, 20, 10 et 8 côtés. Avec un dé du même type à l'intérieur, Chessex Gemini, qu'on appelle. Donc, un vrai dé de qualité. Et puis les dés sont apparemment à l'intérieur d'une petite capsule pour être sûr de ne pas être graffinés ou brisés à l'intérieur. Voilà, donc si vous échappez votre savon, vous n'avez pas cassé le dé dans une capsule à l'intérieur. Ça coûte 30$ pour l'ensemble. Et c'est super cute en plus, c'est des gros dés pour vous laver, puis après ça à l'intérieur, des petits dés. Ensuite, on reste dans les jeux de table, je crois, avec des cartes à jouer, mais version 8-bit inspirée par les paquets classiques de Bicycle. OK. Tu connais les paquets de Bicycle, c'était les cartes rouges et bleues, là, c'est les classiques. Là. Tout le monde a déjà eu un paquet de Bicycle cards, playing cards dans leur maison ou chez leurs grands-parents. Bon, maintenant, c'est inspiré par les 8-bits, donc vraiment, c'est des petits, c'est le même design avec les mêmes genres de piques, cœurs, carreaux et trèfles, avec les mêmes petites fioritures sur les côtés, mais version 8-bit, donc dessiné pixel par pixel comme un jeu de Nintendo. Hein. Donc, tu vas avoir l'as de pique. L'as de pique va avoir des mains sur les côtés et une petite face épeurante. Oui, il a l'air méchant. Oui, et le cœur, lui, a l'air surpris. Hein? Le roi a l'air, d'un roi avec une moustache. La reine a l'air de regarder le roi et le roi a l'air de regarder la reine quand c'est les mains côte à côte. C'est pas le valet, aussi? Non, c'est le roi. Oui, t'as raison, c'est le valet. Moi, je parlais à gauche, c'est le roi. À droite, c'est le valet. T'as raison, c'est pas la reine. Ouais, c'est ça. J'étais là. Attends, elle est où la reine? Là, je cherchais la reine partout. C'est un valet aux cheveux longs, mais en même temps, le roi aussi a les cheveux longs. Fait que... Ouais, ben, back in the days, c'était comme ça, hein? Ben, du 8-bit, disons que il c'est était difficile tout de savoir. Hipster. C'est ça. Puis 8-bit, on s'entend que la différence entre un gars et une fille est pas Ouais, c'est assez mince. Ouais. Bref, donc les cartes à jouer 8-bit inspirées par Bicycle Rider Packs. C'est fait par Home Run Games. Et ça vient en rouge et en bleu pour 12$ chaque. Hein? Voilà, chaque paquet, là. Faut acheter 2 paquets pour jouer à bien des jeux de cartes, de toute façon. Ensuite, c'est une nouvelle chaise pour jouer sur le plancher. Au Japon, des fois, on a tendance, tu sais, des fois, dans les restaurants de sushi, on va s'asseoir par terre, s'asseoir en petit bonhomme. Oui. Bon, donc, Buddy, c'est le même principe. On va s'asseoir à genoux, par contre. Donc, c'est une nouvelle chaise à 40$ qui vient du Japon. Ça va sortir au mois d'avril. Et c'est déjà numéro 1 dans les produits pour la maison sur Amazon au Japon. Hein? OK. Donc, tu t'assois sur le plancher en mettant tes... Ça ressemble un petit peu à un genre de Yoshi, OK? Ouais. Dans Mario, là. Donc, tu t'assois les fesses sur un rond, OK? Tes genoux vont par en avant, à la Kellyanne Conway dans le bureau ovale, dans les photos qu'on a vues. C'est comme si tu t'assoyais à l'envers sur une chaise normale. Exactement. Et tes bras vont aller sur le genre de devant, comme une tête de Yoshi, si on veut. Et tu peux jouer là-dessus avec ta manette sans te faire mal aux bras et sans te faire mal aux jambes. Donc, ça a l'air cool, hein? Très cool. J'aime bien le principe et ça se bouge de différentes façons. Tu peux faire des étirements sur le dos, tu peux t'asseoir à terre, par terre avec ton dos bien droit. Tu peux t'asseoir de différentes façons, là, sur le côté. Donc, vraiment plein de choses à faire avec ça. Allez voir les photos, là, ça vous montre vraiment comment faire. Ça s'appelle la chaise Buddy. Voilà, Buddy, B-U-D-D-Y, The Game Chair. Ensuite, je sais que t'as pas de chat à la maison. Non. T'as un chien. Oui. Mais j'imagine vraiment que tu pourrais l'utiliser pour un chien aussi. Okay. C'est pour les animaux de compagnie, c'est une cravate pour rendre ton chien ou ton chat plus classe. C'est un peu comme le business cat dans les bandes dessinées sur Internet. Ouais! Ouais! Donc, pour votre animal de compagnie et qui va avoir l'air de travailler vraiment plus fort que ce qu'il fait présentement dans la journée, ça entre directement sur son, autour de son cou et ça vient avec un petit pattern en bande, en ligne diagonale, qui est parfaite pour le monde de la business. Donc, $5.84, j'allais dire 50, voire. Hey boy! À environ $6 canadiens. C'est joli, moi je trouve ça cute. Sauf qu'il n'est pas centré sur le chat qu'on voit là. Fait que... Ouais, c'est vrai, hein? Ben, je pense que c'est tourné à la tête. Le chat s'est tourné à la tête. C'est pas correct. Ensuite, maintenant que ton chat est rendu super business, toi, mm-hmm. tu veux aller en pause et tu veux le laisser travailler tout seul, ton chat. Ben tu oui. veux être caché, tu veux pas parler aux gens. Exactement. Hein? Donc, reste au chaud tout en te déconnectant du monde en t'achetant ce chandail qui est le Leave Me Alone Sweater. Donc, c'est un gros chandail vraiment épais, très, très chaud, avec un cou très, très, très, très long qui va être replié pour pouvoir être normal dans la vie. Et quand t'as besoin de vie privée, tu montes le cou dans les airs et tu zippes le dessus sans évidemment le pogner dans tes cheveux parce que ça pourrait être douloureux. Donc, pour couvrir votre tête au grand complet. Simple comme ça. Ouais. Le Leave Me Alone Sweater. Ensuite, c'est le nouveau club de Amazon aux États-Unis. C'est le STEM Club qui livre, donc oui, de l'éducation scientifique aux enfants à chaque mois. Ah, c'est juste aux enfants? Oui. Tu sais, ça, je trouve ça plate, hein? Il se passe quoi dans le in-between? Tu sais, mettons, là, t'as des activités pour les enfants, t'as des activités pour les adolescents. Tu fais quoi quand t'es comme un semi-adulte? Mais ton cœur reste un cœur d'enfant. Y a rien qui t'empêche de les acheter pour toi, là. Non, mais tu sais, en théorie, y a un âge dessus. Ouais, mais en théorie, ça reste des fioles, puis des béchères, puis des trucs de formules de science. Mais je pense qu'on a tous déjà eu un kit comme celui-là chez nous. Raison de plus d'en ramener un, parce que tu connais ça, donc tu vas avoir déjà de l'expérience et tu vas avoir déjà plus de fun. C'est ça, puis un... Un télescope. Pas un télescope. Un stéthoscope. Microscope. Microscope, voilà. Ah oui. Oh, ouais. Oui. Ça venait avec plein de lag. As-tu déjà eu ça? Ben oui, mais j'ai eu ça. C'était le fun de regarder des bébites là-dedans. Ah. Ben justement, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour s'acheter ça, pour commencer à aimer la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Donc, Amazon a démarré un service d'abonnement qui s'appelle le STEM Club, qui livre donc des jouets, en fait un jouet de mathématiques, d'ingénierie, de science ou de technologie, de marques reconnues environ une fois par mois. Mm-hmm. Hein? Non, c'est pas mal une fois par mois. Les boîtes sont faites pour les enfants de 3 à 4 ans, 5 à 7, 8 à 13 ans. Et ça coûte $20 par mois avec envoi gratuit. C'est pour l'instant seulement aux États-Unis, mais surveillez ça pour l'arrivée au Canada un jour. Très cool. Vraiment. Ensuite, on parle de... je me rappelle plus c'est lequel que j'avais choisi là-dedans. Est-ce que c'est... ouais, c'est le dernier en bas de la page. L'avant-dernier, je crois. Bref, peu importe. Celui qui s'appelle Magmus. C'est une liste de projets Kickstarter que je vous ai posté sur assemblagewiki.com. Oui. Donc, si on descend à Magmus, c'est le truc pour tenir son porte-clés. C'est magnétique et portatif. Oh. Et c'est fait pour être collé sur ta poche de jeans, pantalon. De pantalon. Donc, c'est un petit aimant rare, un aimant de la terre qui va s'attacher à vos vêtements et qui va remplacer le besoin de mettre tes clés dans ta poche. Ouais. Ça tient les clés à l'extérieur de ta poche. Donc, tu marches et t'as tes clés qui sont pognées sur l'extérieur de tes pantalons. Est-ce que c'est pas plus cute, là? Vraiment pas. C'est un peu moins pire, à mon avis, que ceux qui ont leurs clés sur une chaîne. Je suis d'accord. Bref, il reste encore quelques jours à la campagne. La campagne Magmus, encore du travail à faire avant de se rendre à ses 8 000 $. On peut précommander le porte-clés Magmus à partir de 11 $. Et après la campagne, ça devrait être envoyé en mai 2017. Allez voir leur page de Kickstarter. Je vais aller justement la voir en temps réel. On a réussi à dépasser le 8 000. On est rendu à 12 000 $ avec 425 contributeurs. Il reste encore 10 jours, nous, en direct le 2 mars. Donc, allez voir ça sur assemblagewiki.com. Et pour terminer, c'est pas un gadget qu'on peut s'acheter, mais j'aime ça des fois en parler parce que j'ai pas d'autres chroniques du genre. C'est un étudiant au secondaire qui construit et qui installe des machines distributrices de liqueurs dans son casier. Allô, ce gars-là doit être le gars le plus populaire de son école. Ça s'appelle le Soda Locker, donc une distributrice inventée par l'étudiant à l'école secondaire Mick Hawkins qui a construit ça dans son propre casier. Ça accepte des pièces de monnaie et il y a un panneau de contrôle qui a été construit, tout ça à partir de rien du tout. Ça fonctionne sur un microcontrôleur Arduino, c'est comme un mini-ordinateur. Mm-hmm. Tout fonctionne sur une pile de 12 volts. Qui n'a pas assez de jus par contre pour avoir un système de réfrigération pour l'instant. Donc les canettes sont à la température pièce. Quelle opportunité ratée. Ah, c'est meilleur. C'est meilleur. C'est, mais ça m'a sorti, hein. Avec une boîte de cigarettes, puis les gens, ils vont être bons, ça. Mais c'est vraiment meilleur, température. Tu trouves? J'adore ça vraiment froid. Je mettrais de la glace dedans, ça. De la difficulté. Ouais. Bref, allez voir la vidéo de démonstration. Encore une fois, le Soda Locker, vous ne pouvez pas vous l'acheter vous-même. On a fait 20 gadgets. Les liens sont sur les notes de l'émission 1075 sur assemblagewiki.com. Après la pause, on va voir Alex Marchand. Est-ce que tu avais un commentaire à passer? T'as-tu un commentaire sur un gadget? Est-ce que tu aimerais ça que l'université au complet insère des distributeurs de canettes? L'AGS, c'est un nouveau projet pour... C'est justement le commentaire que j'allais faire. Je pense qu'on est rendu là, Mathieu. Le prochain président, ce sera sa campagne. Oui, exactement. Là, tu aurais tes 60 signatures pour t'inscrire à la présidence. Ce serait tellement facile. Je le laisserais juste sur mon bureau. Tout le monde viendrait me voir. Bref, Alex Marchand, on retourne la pause avec la collègue de l'AGEQTR. Restez là. Assemblage requis en ce jeudi 2 mars 2017, toujours avec Tania Baudin et Mathieu Plante qui reçoivent maintenant, qui ont l'honneur en fait de recevoir le président de la GAQTR sortant, on doit le dire, parce qu'à un moment donné, pas qu'il s'envole. C'est fait là? Non. Ben, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'il s'en allait. Ok, ok. J'ai dit qu'il doit se représenter s'il veut se représenter. Oui, c'est ça, il est sortant parce qu'il y a des élections. Au mois de mars à chaque année, le président de la GAQTR. Exactement. Non, avril. Ça, j'ai dit. Bon, il est sortant, en fait, à partir des mises en candidature qui terminent demain. Ah bon, donc okay, il est quasi sortant. Ouais. Je peux savoir un entrant. Il n'y a pas de president elected présentement. Fait que si vous avez le goût de vous présenter, mesdames et messieurs, faites-le. Ah, ben voilà. Et on a déjà parlé de la façon de faire, mais peut-être qu'on le rappellera. Peut-être qu'on a un Trump à l'université, puis on ne sait pas. Ah, boy. C'est incroyable. Ouais, c'est la chronique de la GEQTR. AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. Je pensais que la chanson était plus longue que ça. Donc, c'est la collègue de la GAQTR avec Alex Marchand qui ne m'a pas envoyé ses sujets ce matin, n'est-ce pas? Non. Oh, c'était une journée comme celle-là. Il y a une tempête dehors et je ne respecte pas mes responsabilités. C'est pas grave, c'est la première fois. En fait, tu fais ta collègue depuis quand même quelques mois et la semaine passée, c'était la première fois que tu ne pouvais pas être là live, donc on l'a préenregistré. Et cette fois-ci, la première fois que tu n'envoies pas tes sujets. Oui, mais en fait, c'est qu'il y en a tellement pas beaucoup que je voulais pas gaspiller d'énergie à juste marquer 3 cossins sur Facebook. On sait que Facebook et Google, genre, utilisent des serveurs et plus tu les utilises, ça fait de la pollution dans l'environnement. Donc, tu viens de nous sauver peut-être un arbre. Ah, probablement. Ouais. Ah non, effectivement. Bref, de quoi on parle? on va parler de la mi-session. Parce que, écoutez, c'est difficile. Oui, exactement. Mais j'ai redécouvert le plaisir d'étudier puis de faire des travaux, sérieusement. genre du Red Bull, c'est ça, ou quelque chose loco. Comme ça. Mais c'est vrai, mais en plus, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'un TDAH puisse autrement être amplifié T'as par pas toi les responsabilités. T'as pas TDAH, comment? Ben, je pense que monde? Oui. Je commençais à étudier ou à faire mon travail, honnêtement, là, puis il y a toujours eu de quoi de plus intéressant qui se présageait ou que j'avais à faire. Mais non, ça, sérieusement, c'était pas facile. Ça, c'est plus genre de la facilité à être déconcentré parce que t'as pas envie de travailler. C'est pas un TDAH. C'est de la procrastination. Ouais. Ça dépend si c'était vraiment facile de me déconcentrer. Ah, okay. Fait que peut-être. Je sais pas à quel point, mais je suis pas mal sûr que j'ai un petit TDAH. Mais j'aimerais que quelqu'un nous appelle s'ils ont pas de TDAH. Ah, 376-5-1-3. Je vais t'appeler. Mais honnêtement, c'est que, tu sais, à l'AGE, mettons, quand je travaille, je suis capable de, genre, faire 5 trucs en même temps, tu sais. Mais tu sais, j'avance un petit peu dans chaque truc, mais quand t'étudies, c'est moins facile de faire ça, on dirait. Parce que tu te concentres sur un seul sujet que parfois t'aimes pas tout le temps. Mm-hmm. Mais là, c'était pas super, c'était quand même intéressant. En tout cas, bref, c'était pas la mi-session avec juste 2 cours en plus. J'avais 4 évaluations totales, mais reste que quand même, j'ai trouvé ça rough. Fait que bref, on verra quand je vais redevenir étudiant si je suis capable de survivre une session à 5 cours. Parce que là, c'est ça, présentement, vu que t'es président, t'as pas 5 cours. T'es à temps partiel? Ouais. 2 cours par session. J'en ai eu un la session passée, fait que là, c'est ça, je reviens tranquillement aux études. Ouais. Mais bon, ça va être intéressant. Est-ce que tu lâches graduellement ton poste? On sait pas, là. On sait toujours pas. Ouais. Ouais, mais c'est honnêtement, je suis pas mal fixé, là. Je penserais pas revenir l'année prochaine. Ah. J'ai beaucoup de données pour l'AGE cette année, tu sais, ça m'a fait plaisir, mais là, j'ai hâte de retrouver une vie normale. Ouais, c'est ça l'affaire. Tous ceux qui veulent se présenter. Mais est-ce que c'est une belle expérience, c'est incroyable, honnêtement. Il n'y a rien de plus complet que ça comme expérience. Puis de plus. Honnêtement, c'est stressant, c'est dur, mais t'apprends tellement, c'est incroyable. Mais c'est de vouloir le faire. Est-ce que tu vas te présenter à un autre poste, peut-être? Je penserais même pas. Même pas? Parce que c'était 3 ans. Même pas genre communication pour venir faire la chronique, genre? Non, mais ça, c'est Marie-Chantal, je vais la laisser continuer, elle veut se représenter. Mais dans le fond, c'est qui fait 3 ans que je m'implique, je dirais, puis ben, c'est assez intensément. Puis là, je pense que je suis dû pour autre chose. Je trouve qu'il y a une belle culture entrepreneuriale, entre autres, qui commence à se créer à l'UQTR. Puis c'est quelque chose auquel j'aimerais peut-être me greffer. D'ailleurs, c'est un de mes sujets. Oh. Le Startup Weekend qui va se dérouler en fin de semaine à l'UQTR, justement, avec un jury assez intéressant de beaucoup d'entrepreneurs de la région, entre autres, qui vont être présents pour juger les projets. Puis, ben bref, j'ai une bonne idée, je pense, d'affaires. Donc, je vais pouvoir vous discuter peut-être un peu plus la semaine prochaine. Ouais. On gagne un podium. Mais c'est 54 heures pour créer ta propre entreprise. Oui, exactement. Donc, ça risque d'être une super belle activité. J'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Ouais, hey, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Tu sais, le GE a comme règle que les parties ou les affichages doivent être en français. Il faut absolument que ce soit français. Mettons, le Frosty Party, c'est genre la fête de la glace. Je sais pas quoi. Mm-hmm. Je sais pas. Pourquoi est-ce que le Startup Weekend et 54 heures pour démarrer ta business, ça passe à l'UQTR? Deux mots en anglais. Question, ça. Il y a juste 4 mots, genre. Parce que c'est pas tout le temps récurrent. Je sais pas. En même temps, l'affaire, c'est que présentement, on a révisé la politique d'affichage en partie. Puis, justement, il peut y avoir, dans la mesure où c'est en majorité en français, ben, on peut, donc, peut afficher maintenant. Donc, démarrer ta business. Startup Weekend, démarre ta business. À date, il y a 3 pour 2. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être du travail à faire. Mais ça, honnêtement, je sais pas, est-ce que vous avez vu des affiches sur le campus, par exemple? Comment? Je sais pas, hier, ils étaient pas encore affichés. Ah, ils sont sur les télés. Ah, sur les télés, ça se peut. Mais ça, c'est pas nous autres qui les gèrent, par exemple. Ah, voilà. Ça, c'est le service des communications de l'université. Ouais. Mais bon, c'est une question comme ça, par curiosité. Pourquoi c'est pas la fin de semaine du démarrage d'entreprise, 54 heures pour démarrer ton entreprise? On sait pas. Bonne question. Ah. Ouais. Ça va en plus en anglais? C'est sûr que ça marche quand même, mais bon, on l'a peut-être échappé celle-là. Peut-être. On va se rattraper à l'avenir. Bref. Je vais revenir un peu dans le passé. Puis là, on va comme passé, futur, tu sais, on est comme c'est un peu mêlé. C'est ça, quand t'as pas de plan, ouais. Exactement, pas de plan. J'ai juste mon agenda devant moi. On a freestyle. J'ai de la misère à trouver mes affaires. Jeudi passé, il y avait ben, en fait, je vais l'appeler François Legault, mais j'ai quasiment envie de dire le chef de la Coalition Avenir Québec. Parce que, bon, la conférence traitait de l'entrepreneuriat et du programme économique de la Coalition Avenir Québec. Ah, c'est comme une publicité masquée, un peu. Ah, exactement, ouais. Puis je n'aimerais pas l'assaut qu'il l'a organisé parce que j'ai une entente avec lui de ne pas. Parce que j'ai un acronyme auquel j'ai rajouté le CAC à la fin, donc je trouve assez incroyable. Mais en tant que média étudiant qui se respecte, sans vouloir engager Alex Marchand, parce qu'on a déjà parlé à la collègue du Zone Campus, ouais. Nous, individuellement, mettons, je ferme son micro, l'ASK a organisé ça, Tania, juste pour toi. OK. Donc, le jeu de mots était ASCAC. Le mot de passe est ASCAC. OK, c'est bon. Et maintenant, je rallume le micro d'Alex Marchand, qui est de retour, qui était parti à la buvette. Ouais, il était parti faire pipi. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Non, non, pas de pipi. Je suis sûr que je suis pas fier de vous. François Legault, t'es où? Oui, François Legault est venu ici, apparemment. Oui, il est venu ici. Il a parlé justement de l'Air Transat, parce qu'il a déjà été entrepreneur avant d'être politicien. Ah, c'est pour Air Transat aussi? Oui. OK, cool. Oui. Wow. Puis, il commençait avec les. Ça a coûté 50 000 à partir, puis il est reparti avec 10 millions. Okay. C'est quand même... quand même pas pire, tu sais. Je pense qu'il y avait beaucoup à dire sur ce sujet-là, mais bon, tu sais, c'est un politicien, en tout cas, bref. J'ai appris à développer un certain... quantité de clichés puis de préjugés par rapport aux politiciens tout au long de mon mandat. Tu sais, je vais me taire de dire à la radio, mais bon... On dira en ronde après, mais qu'il y a aux toilettes encore. Ouais, c'est ça. Exactement. Peut-être qu'un jour, on saura c'était qui l'association. Ouais. Peut-être. Je pense que David Redmond va me défoncer à la tête. Comme... Ah, qui ça? Pourquoi? Je sais pas de quoi tu parles, moi. De quelle association on parle? Puis tu sors dans la radio, en plus, tu parles de ça. C'est pas un rapper, ça, Redmond? Je sais pas. Ben, c'est une équipe de football, en tout cas, McGill. Ouais. Et Redmond. Et le jus de pomme aussi, on peut pas répéter son nom, mais... Non. On n'a pas dit son nom littéralement deux fois, mais le mot avec. Mais quelle association déjà? Rouge FM, Redmond. Rouge FM, oui, c'est ça. Exactement. Donc, on a parlé de Air Transat. Venez de nommer un compétiteur à la radio, je sais pas si vous en rendez compte. Ben oui, on le fait. Do we look like we care? I mean, really? Elle change en anglais. C'est ça, exact. Il y avait François Legault. Après ça, il y avait autre chose. Je vais trouver. Il y avait pas grand chose dans le passé. On va les voir dans le futur. Il y a un colloque sur le financement des universités la semaine prochaine qui va se dérouler à l'Université Laval. Puis, en fait, c'est ça, c'est organisé par la CADEL, qui est la Confédération des associations départementales étudiantes de l'Université de Tabarouette Laval. Wow. J'ai réussi à dire la crédit, moi. Félicitations. Je suis fier de moi. Moi aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est avec eux autres, qui est l'assaut, général, étudiant, mais... Mais de la plus c'est une université à Chartres, puis qui sont fancy un peu, ils ont des confédérations puis des fédérations. Ah ouais. Puis ça, ils sont organisés en collaboration avec l'Université Laval. ils vont faire plusieurs présentations en lien avec les universités puis leur financement, puis aussi en proposant une nouvelle solution au financement des universités. Ils vont profiter pour faire l'historique du financement, l'historique des associations étudiantes, l'historique des universités. Ils vont comme avoir vraiment une présentation assez globale sur 3 jours. On va pouvoir revenir avec plein d'informations pour mettre de la pression sur le recteur pour l'intérêt des étudiants. Oh boy! Hein, y a un plan derrière tout ça, là. OK, oui! Fait que c'est ça, là. Il n'y a c'est pas grand-chose d'autre. C'est on tout? On peut parler de spaghetti maintenant. Spaghetti? Est-ce que tu peux spaghetti pour quelque chose? Est-ce que ça serait le fun, ça? J'ai faim. Ouais. Honnêtement, je suis vraiment dû pour aller déjeuner, je pense. Ouais. Ben, après, on va aussi. Commencer par un café, par exemple. Ouais. Deux trousses bacon, puis pas d'œuf, non. Non, pas d'œuf? Non, juste du bacon. Ouais. Moi, à la chasse galerie, le seul bacon est en tofu, mais il goûte très bon, là. Mais pas grave, il goûte le bacon. C'est vrai. Ah, j'ai faim. Pourtant, c'est le goût. C'est vrai. Merci Alex Marchand, on va te retrouver la semaine prochaine, toujours les jeudis à 8h pour une autre chronique de la GEQTR avec peut-être plus de contenu, on sait pas. Ah ben probablement, ben je vais regarder tout de suite, j'ai déjà avoir un début d'idée. Ah oui, c'est la semaine, ça oui, c'est non, puis il y a vraiment plein d'affaires. Ah oui? Oh, je vais t'en mettre. C'est vrai. Beaucoup de conférences, oui. Si je ne m'abuse. Entre autres, les brutes... Ah, Tania, excuse-moi, mais là je dois te reprendre, là, si je ne m'abuse, ça se dit pas là. Pourquoi? Je sais pas, ça a l'air sexuel. Surtout dans ce contexte. Ouais. Surtout dans la semaine, ça a eu ses mains. On n'a pas le droit de dire ça. J'ai comme réalisé en disant ce que je venais de dire. Est-ce que c'est genre leur hashtag de ça a eu ses mains, ça va être genre « Je suis dans ma semaine ». Oh. J'ai mal à la tête. Je ne suis pas autorisé à la rire, celle-là. Bon, mais toilette, on va fermer son micro. C'est correct, mon micro est fermé. Oh. Il a dit qu'il fallait qu'on remplisse un peu parce qu'il n'y avait rien à dire. Tu vois, on a rempli ça de plein de blagues. C'est comme ça. La GEQTR, c'est open. On tient à dire que, justement, la GEQTR se détache de pas mal de choses qu'on dit en ondes. Ouais. Parce que parfois, ça pourrait... ça pourrait être compromettant. La GEQTR ne se détache les culottes que lorsque l'on leur demande. Que lorsqu'ils disent oui. Oui. Voilà. Donc, à la semaine prochaine, Alex. Ben, à la semaine prochaine. Tu repars au corridor quand tu veux. Ça, je trouve ça weird de finir la chronique sur la GEQTR. Je sais, détache les culottes que quand leur demande. Pardon? Je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Sont ouverts, mais pas trop. C'est ça que ça veut dire. Ah, okay. Mais tu vois, moi non plus, je l'avais pas compris non, comme ça. Non. Mais au moins, il y a une notion de consentement dans qu'est-ce oui, que oui, t'es oui, en train ben d'avancer. Oui. Exactement. C'est juste pour leur bien. C'est juste pour leur insérer des boules chinoises pour être plus flexible de la... Ok, ah, on finira oui, définitivement bon. Pas la crème. Hey, on fait de la lignée. Radio de amateur. Ouais. Ah, c'est la tempête. Ça, c'est ça. Quand il y a de la température bizarre dehors, là, ça se ressent. C'est dans ça les qui arrive, hein. C'est ça que ça donne. Tu sais, quand on était plus jeunes, nos parents disaient hey, va avoir une tempête dehors. Quand on était bien énervés. Dans mon temps, on marchait les pieds chez les gars. Exactement. Vas-y donc, un matin. Il ne reste plus rien. Non. On a une question pour toi, parce que nous, on a discuté quand même, on a des petits inside par la bande les contacts. Avec les filles tu dans la cuisine de la chasse-galerie. Oui. On a entendu dire que le menu allait rester jusqu'à la semaine de relâche. Ça finit est-ce vendredi, que, donc. Exactement. Est-ce que c'est le même qui reste durant la semaine de relâche ou bien on change après la relâche? Ah ouais. Ou t'es pas pantoute au courant? Je suis pas vraiment au courant. Aux yeux qu'il me fait, je pense qu'il est pas pantoute au courant. Une fois qu'il a goûté le menu, tu sais, puis engagé la. C'est ça, il est comme. C'est plus ma job. Plus rien. Bref, okay. On va aller voir ça, mais il me semble que c'est le début va être pas la semaine de relâche. Ouais, mais je pense que la chaise-galerie est à peu près à 20 secondes du studio à pied. Ça, c'est si vous prenez votre temps. Donc, exact. Je vous invite à aller en parler avec Marie-Lyne. Ouais, c'est ça. Ou t'envoyer, puis fermer ton micro dans ce moment. Puis nous revenir pour une grosse pointe en dresse. Bref, encore une fois, merci Alex Marchand, t'es bien fin. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité comme à l'habitude. On profite de toi jusqu'à la dernière seconde possible. Ah, mais c'est correct, ça. De ton mandat. Oh. De ton règne. Oh, ce serait incroyable. Tiens, on va écouter. Je sais que la communauté universitaire, c'est un peu comme les paysans de l'UQTR. Mettons, la communauté, c'est comme des paysans. Donc, on va écouter le groupe Los Campesinos, ce qui veut dire les paysans. Hein. Voici Flucloxaxiline. Beau nom. Assemblage avec. Ceiling right. closing up behind me. Shouting, step up your paces, we got places to be. A pylon of OAPs crashing in my slipstream. Turn, shut up your faces, I'm not your domestic. Campesino, c'est Flukluxacillin, assemblage requis. Je te l'ai pas laissé dire parce qu'avec ta gorge, ça aurait été difficile. Pardon? T'écoutais pas pantoute, hein? Pantoute, wow. Mon gars. Pantoute, je suis en train de lire un article. Je suis désolée. Cool, veux-tu nous en parler? En fait, c'est comme une vidéo, puis j'ai pas eu le temps de le terminer parce que justement, c'était. En fait, la question, c'est qui paie, les hommes ou les femmes? Ouais. Bref, je vous ferai un... Tu feras le chronique là-dessus. Ouais, exactement. C'est ça. Bref, maintenant, c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. J'ai entamé ma descente sur son foutu palmarès. Je ne réponds plus à ses attentes. Je suis maintenant... C'est la chronique Bouge Trou par excellence. C'est là qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça valait la peine de faire l'article qui parle de petits problèmes de sommeil et ses solutions, bien sûr, selon la science. Les troubles du sommeil sont un véritable problème dans notre société actuelle. Avec le stress et l'environnement urbain, où le temps de sommeil est toujours plus court, il est peut-être difficile des fois de s'endormir facilement, de dormir paisiblement et de se réveiller correctement. Ou donc, les gens qui partagent votre lit qui ronfle. Ah, oh oui. Parfois. Détail que je pensais pas sortir. Non, mais tu sais, il y en a, ma mère dit tout le temps. Ça, mon père, par exemple, puis elle dit qu'elle n'est pas capable de dormir. Ils font pas chambre à part après 40 ans de mariage? Non. Mais ils se touchent pas dans le lit parce que le lit est trop grand. OK, on arrête ça. OK. Je veux pas savoir ça. Je sais que mon téléphone va sonner. Pourtant, dormir offre de sérieux bienfaits sur notre santé. Je ne t'apprendrai rien. On recharge nos batteries. On est prêt à attaquer une nouvelle journée. On fait travailler sa mémoire à court et à long terme. On peut même perdre du poids et être plus heureux, apparemment, en dormant bien. C'est merveilleux. Alors, si vous êtes dans votre lit à tenter de vous endormir en dormant ou au réveil, que vous éprouvez des douleurs peut-être, vous ressentez l'un de 9 petits soucis, voici ce que vous devriez faire selon la science. OK. Donc, si vous n'arrivez pas à vous endormir, il faudrait éviter la caféine plusieurs heures avant d'aller se coucher. On devrait faire de l'exercice le matin ou l'après-midi et tasser son téléphone au moins une heure avant l'heure du dodo. Oh, d'accord. Ensuite, on a parlé de ronflement. En fait, on perd, je crois qu'on peut le saluer. Oui, exactement. Saluer. Mon père ronfle quand même assez fort en plus. Là. Ça pourrait réveiller genre une maisonnée. Wow! Donc, essayez de dormir sur le côté ou de lever votre tête de quelques pouces avec plus d'oreillers ou plus de coussins ou un plus gros oreiller. Vous pouvez aussi essayer de nettoyer vos sinus avec une solution saline avant d'aller vous coucher. Et aussi, on dit, et là c'est triste, d'éviter l'alcool. Ma mère aussi a donné un bon conseil un jour à une de mes tantes. Qui était de le frapper dans les côtes. Ouais, ben ça, c'est la solution vraiment alternative. Mais apparemment, parce que du moment qu'il va bouger, il va arrêter de ronfler. Ouais, ou un bon en bouche aussi, je pense. Ah! Aussi. Si t'as mal au cou... Étouffle. Si t'as mal au cou, ça arrive, c'est mon cas des fois. Donc, vous devriez remplacer... Oh boy! Vous devriez remplacer votre oreiller une fois par 2 ans. Chose que j'ai tendance à faire. Ça fait un petit peu plus de 2 ans, moi. Faudrait que je serais dû. Il est temps. Ouais, il est temps. Les gens disent donc que l'oreiller de latex ferme était la sorte d'oreiller la plus confortable dans une étude. Oreiller en latex. Ouais, essayez ça. Je refuse. Non, mais c'est pas du latex comme genre être en plastique, puis genre, tu sais, non. C'est pas ça. L'intérieur est comme en latex mou. Là, c'est OK. Très confortable quand même. Ensuite, si vous n'arrivez pas, à rester endormi. Ouais, ouais. Je me réveille la nuit, donc dire à ton chat « ta gueule », ça marche pas dans mon cas. Mais on dit encore une fois d'éviter l'alcool avant de se coucher parce que ça peut donc descendre le temps que tu vas passer en mode de sommeil profond. Alors on devrait s'assurer aussi que la chambre, la pièce où tu dors, est entre 68 et 71 degrés Fahrenheit. Uh-huh. 68 Fahrenheit en Celsius égale 20 degrés, alors que 71 égale 21 environ. Donc 20-21 degrés, c'est pas mal le degré qu'on devrait utiliser dans la chambre à coucher. Ce qui est mon cas, je l'ai mis à 20, c'est parfait. Ensuite, reflux d'acidité. Ouais. Tu sais, les brûlements d'estomac, vous devriez parler à votre médecin, apparemment, par rapport aux médicaments. Vous devriez aussi dormir, et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, et je répète, on devrait dormir sur le côté gauche. Ah, OK. Parce que c'est comme ça que... Je me rappelle d'avoir vu le graphique, le dessin de pourquoi c'était comme ça, là, mais il faut vraiment dormir sur le côté gauche. Et non pas sur le côté droit. Et non pas sur le côté droit, parce que ça redescend, puis bref, ça fait plein de complications. Cherchez les images sur Google, acid reflux left side, là. Vous allez voir de quoi je parle. Et aussi, vous devriez surélever votre oreiller, dormir avec la tête un petit peu plus penchée. Douleur aux épaules, tantôt on a parlé de cou. Oui. Donc, douleur aux épaules, on ne devrait pas dormir sur le côté si vous avez mal aux épaules. Et si vous êtes un dormeur sur le côté, ce qui est mon cas, je dors seulement sur le côté, et que la douleur est dans seulement une épaule, vous devriez essayer de dormir sur l'autre côté. Évidemment, là, il y a un mix and match de est-ce que tu as du reflux d'acidité et mal aux épaules. Exactement, bon. Sinon, va chez le médecin, là, il y a plus que juste ça. Et un bon conseil ici, si vous avez mal aux épaules, non seulement dormir pas sur le côté, mais si vous dormez sur le côté, dormir sur l'autre côté si vous avez mal, mais aussi de serrer un oreiller dans vos bras. Ah, OK. Ça va vous aider à garder vos épaules droites sans avoir le bras qui redescend là, par-dessus la poitrine, on se comprend. Si vous n'arrivez pas à vous réveiller, vous avez de la misère à vous lever. Hein? Oui. Essayez de vous réveiller à la même heure chaque jour, même la fin de semaine, pour que votre corps s'habitue. Tu vois, non, je me lèverais pas à 5h30 les fins de semaine. Je comprends, mais si tu le faisais, tu finirais par te coucher moins tard la semaine et ton corps s'habituerait plus rapidement. Mais moi, personnellement, je trouve pas que je me couche très tard. Je me couche vers les alentours de 11h, 11h15. OK. Je me couche souvent à minuit. Dépendant de la journée, mettons. Comme hier soir, je me suis couché, il était peut-être ouais, à 1h15. Est-ce que c'est vraiment couché? Était en position horizontale, mais ben, je me suis endormie vers 1h15. OK. Mais je me suis couchée, il était minuit et demi. Ouais. C'est ce qu'ils disent. crampes aux jambes. Crampes aux jambes, ça t'arrive aussi, ça? C'est la première partie de crampes en masse. Crampes aux jambes. Et oui. Vous pouvez essayer de masser votre jambe, là, où vous avez mal. Appliquer de la chaleur aux muscles et étirer vos muscles pour soulager la douleur. On dirait que non, de la difficulté à me dire que tu pourrais avoir des crampes aux jambes. Ah oui, j'ai des crampes aux jambes, j'ai des crampes aux orteils aussi si je bouge trop les orteils. Mais t'es grand, toi. Oui, c'est vrai. Différence. Moi, je suis petite. Je peux pas avoir des crampes aux jambes. Ah, je pourrais, mais... Et on termine avec les douleurs au dos. Oui. Vous devriez ajouter un oreiller sous vos cuisses si vous essayez de dormir sur le ventre. Oui. Si vous êtes sur le dos, vous devriez avoir un oreiller sous les jambes. OK. Et évidemment, comme on a déjà dit, c'est pas mentionné dans l'article, mais souvent, les gens qui dorment sur le côté vont mettre un oreiller entre les jambes. Chose que j'essaie de faire le plus souvent possible. Oui. Sinon, utiliser la jambe de quelqu'un. Voilà, c'est une liste sur les solutions à des petits problèmes. On va continuer tant qu'à avoir quelques minutes de lousse avec des articles, des choses qu'on a trouvées dans les rivières autour du monde. OK. Pourquoi pas? Donc, des choses qu'on a trouvées en explorant des rivières. Par exemple, un bateau sur un autre bateau à New York. Un bateau sur un autre bateau. Un cabin cruiser qui est situé au fond de la rivière Hudson, près de Yonkers, qui était sur un autre bateau qui lui était aplati probablement au 19e siècle, selon New York Magazine. Parmi d'autres choses qu'on a découvert à New York, des gribbles, donc ça c'est des animaux qui mangent du bois qu'on a trouvé. On a trouvé des camions de crème glacée. Okay. On a trouvé des restes d'un parc d'amusement du 20e siècle. My God! Il y a aussi une collection de barres d'argent qui valent 26 millions de dollars. Qui venait d'un bateau de 1903. OK. Mais on n'a pas encore réussi à les trouver, mais apparemment c'est là. Ah, OK, on les a pas trouvés. Non. Ensuite, des petites piécettes pour des bordels dans la River Thames. Donc en 2012, un archéologue amateur a découvert un Roman Brothel Token, donc une petite pièce de monnaie pour les bordels près de Thames Putney Bridge. Donc c'est une piécette de bronze qui montre un acte de passion. Les experts croient que ce sex token avait été caché dans la boue pendant environ 2000 ans. Quand même. Ensuite, un crocodile du Nil dans la rivière Seine. Donc, c'est... Ensuite, ça veut dire rivière Saint-Marie, c'est le pardon, non. Donc, c'est en 1984, un crocodile du Nil de 31 pouces de longueur a été trouvé dans les égouts près du populaire pont-neuf. Les travailleurs de la propreté, sanitation, comment on appelle ça en français, sont tombés sur le reptile pendant qu'ils travaillaient et ont appelé un vétérinaire de zoo. Éventuellement, ils ont réussi à l'amener jusqu'à l'aquarium de Vannes. Donc, pendant les années, la Seine a vu plusieurs créatures terrifiantes. Donc, on a vu des serpents, des tortues et des piranhas, entre autres. Ayant des tortues, ça fait peur. Oui. Le pacu, en fait, est une c'est dans la famille des piranhas Et ça a la réputation de mort des testicules. Là. Oh boy! Ouais. Ensuite, 15 000 vélos dans le canal d'Amsterdam. Oui, une ville de 780 000 habitants. On a estimé qu'il y a environ 2 millions de vélos. Mais les nettoyeurs du canal ont découvert des vélos qui remplissent plus que seulement les rues. Environ 15 000 vélos ont été retirés. En fait, chaque année, dans le canal, les canaux d'Amsterdam, le bike fishing, donc la pêche au vélo, est devenu une attraction touristique populaire à Amsterdam. La compagnie qui s'occupe de l'eau, là, donc on va appeler ça des... les mots sont tellement évidents que j'ai peur, j'ai juste au bout de la langue. Ben oui, là. Aqueduc. Aqueduc. En tout cas, bref, ces affaires-là d'eau, là. Oui. Donc, ça s'appelle WaterNet dans le coin. Ils ont perfectionné l'activité avec des appareils un peu comme dans les machines où tu avec une pince, genre, là, tu viens prendre un toutou. Ils ont fait la même chose, mais avec des vélos. Et cet appareil-là est sur une barge. Hey, 15 000. Oui. C'est énorme. Absolument. Ensuite, on espérait découvrir des antiquités. En 2007, une équipe d'archéologues de l'Égypte sont arrivés sur la rivière Nil pour une excavation sous l'eau. Donc, ils ont vraiment enquêté là-dedans avec leur équipement, selon le Daily News Egypt. Et à travers les conditions, ils ont trouvé un portico. Donc, c'est une entrée couverte pour un ancien temple égyptien dans l'eau. Selon un rapport géographique de National Geographic en 2008, un reportage de leur part, on dit que c'était l'entrée du temple du dieu de la fertilité Khnoum. OK. Il y avait des inscriptions dans la pierre qui datent donc de 945 à 525 avant J.C. Les archéologues ont trouvé des parties, des morceaux d'une ancienne église chrétienne pendant leur plongée. Oh, quand même. Intéressant. Ensuite, on parle d'avions et de pilotes de combat soviétiques. En 2015, à Vistula River, en Pologne, a descendu jusqu'à ses niveaux les plus bas de l'histoire, ce qui nous a ramené donc des artefacts de la Deuxième Guerre mondiale, dont un avion soviétique et les restes d'un pilote. Selon l'Associated Press, l'avion aurait crashé en janvier 1945, alors que l'armée allemande était en train de se retourner jusqu'à Berlin. Donc, l'avion aurait été frappé au-dessus du Vistula. Et finalement, ils ont fini par craquer la glace et foncer dans la rivière. Les explorateurs ont trouvé des morceaux d'uniformes, de bottes, de parachutes et d'équipements radio dans l'avion. Ensuite, une tour ordinateur dans les Rivers of America, donc à Disneyland. Sur Tom Sawyer Island, on n'a pas seulement échappé des cellulaires et d'autres trucs comme ça dans la rivière, même s'il y a des centaines de personnes qui échappent de la gomme et des téléphones cellulaires dans la rivière à chaque année. En 2010, les employés de Disneyland ont découvert une tour d'ordinateur de bureau, là, une tour d'ordinateur pendant un exercice de drainage de la rivière. Ensuite, des machettes et un sauna dans la rivière de Los Angeles. Chaque printemps, l'organisation qui s'appelle Friends of the Los Angeles River, c'est une organisation donc, qui organise des nettoyages de rivières partout dans la ville. Ça attire des milliers de bénévoles. Ils ramassent plus de 70 tonnes de déchets et de trucs de trésors. Et on a trouvé ça pendant plusieurs décennies, des machettes, des saunas et même des cabines téléphoniques. Oh mon Dieu! Voilà. Et finalement, des canons du 18e siècle dans la rivière de Détroit. Selon les experts, les eaux très boiteuses de la rivière de Détroit peuvent cacher plusieurs reliques qui pourraient être dans des musées. Entre 1980 et 2011, on a réussi à retirer 6 canons différents datant des années 1700, selon le Detroit Free Press. Et ces canons-là faisaient première partie de l'équipement des soldats britanniques avant la guerre de 1812. Et ce serait qu'une petite portion des trésors au fond de la rivière. Étant donné les problèmes de visibilité à cause de la boue, les plongeurs peuvent seulement localiser par toucher à tâtons. Wow. En novembre, il y a une ancre de 6000 livres appartenant au Greater Detroit. C'est un bateau de 2100 passagers qui voyageait dans les Grands Lacs entre 1924 et 1950 a été retrouvé. Il y a aussi des rumeurs qu'il y aurait des véhicules de l'ère de la Prohibition, comme une Ford Model T du côté canadien de la rivière Détroit. Alors, on a besoin d'un permis fédéral pour que les plongeurs puissent se rendre au Canada pour enquêter là-dessus. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait ça. Voilà, une petite liste de choses qu'on a trouvées dans des rivières. Ça sert à rien, mais je trouve ça intéressant. Ben, c'est très intéressant. Ouais. Tu sais, les fonds marins, parfois, c'est là qu'on va découvrir les plus grands trésors. Ah, que c'est bien dit. Au retour de la pause, ce sera ta chronique, Tania. Ouais, exactement. Les nouvelles de la semaine dans Tania is Gonna Entertain Ya et à la fin de l'émission, une grosse pointe à l'adresse. Mais pour l'instant, quelques messages. C'est fou! 89.1. Rassemblage requis en ce jeudi 2 mars 2017 et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, Tania est gonna entertainer, mais avant ça, c'est le moment de se renseigner sur ce qui se passe autour de nous. Oh oui. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Tu étudies à l'UQTR et tu aimes utiliser une caméra? Le réseau de l'Université du Québec organise un concours de vidéos dont la date limite pour participer est le 19 mars. Des prix totalisant 13 000 $ sont à gagner. Pour plus de détails, rendez-vous sur Google et cherchez UQuébec concours vidéo. Avis à tous les étudiants qui aiment s'impliquer et faire une différence dans leur milieu. L'AGE UQTR lance l'appel à la candidature pour tous les postes au sein de son exécutif. Finance, vie associative, communication, vie académique, etc. Les formulaires sont disponibles au local 10-22 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. La date limite pour soumettre sa candidature, le 3 mars à 17h. La période de candidature pour la 19e édition du défi Ose entreprendre est lancée. Deux catégories sont disponibles, entrepreneuriat étudiant et création d'entreprise. Un total de 600 000 $ sera offert aux gagnants. Pour soumettre votre candidature, allez au www.oseentreprendre.quebec. Katia Pelletier, chargée de cours au département des sciences de l'éducation, offrira un atelier sur la nouvelle orthographe et ses nouvelles règles. L'activité aura lieu le mardi 14 mars de midi à 13h30 au local 2098 du pavillon Reguet de l'UQTR. Il faut s'inscrire au uqtr.ca/caf. Le professeur au département de psychologie Dominique Gamache et son équipe sont à la recherche de participants pour une étude. Il s'agit d'un test d'une durée de 35 minutes sur les traits de personnalité socio-indésirables. Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur Google et cherchez SurveyMonkey, ELSRP36. L'équipe de recherche remercie grandement les participants pour leur disponibilité. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et zonecampus.ca. L'Info Campus, qui est écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lui par Tania Baudin. Nouvelle capsule à partir de lundi, tous les lundis, mardi, mercredi et jeudi à 6h30, 8h et 9h, ensuite midi et puis 18h. Ça rejoue aussi les vendredis à 11h et à 17h. Exactement. Voilà. Un horaire compliqué pour rien, mais c'est comme ça qu'on aime ça. C'est fou. Ah, c'est la vie. Ben oui, mais tu sais. Hein? Maintenant, c'est le moment de se renseigner sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Mm-hmm. Après le campus, après très, très, très proche, on va aller un petit peu plus loin, peut-être, dans le monde autour de nous. Donc voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna dream. C'est le tour de l'actualité hebdomadaire du jeudi, Tania. Oui. Cool. Ben oui. Puis vous allez voir, cette semaine, peut-être que ça va être un petit peu moins lourd que les autres fois. On n'a pas eu des grosses nouvelles épouvantables, à part, bien évidemment, ce qui s'est passé hier un petit peu à Concordia, mais que voulez-vous? Et qui continue apparemment, je pense. Oui, ouais. Qui continue, si je me souviens bien, lorsque j'écoutais les nouvelles ce matin. En tout cas, ceux qui doivent suivre l'heure de leur journée pour une raison ou une autre, maintenant vont savoir qu'à 14h... c'est bon time! Oui, exactement. Ouais. Mais on va commencer en fait par une nouvelle qui est quand même assez insolite un petit peu, qui est quand même assez absurde aussi. Mathieu, tu t'es probablement fait dire lorsque tu étais jeune de ne pas uriner dans une piscine. Oui, ouais. De faire attention. Récemment, dans le bain, on m'a dit. Dans le bain, oui, OK. on sait toujours quand même qu'il y a des enfants qui le font dans les piscines publiques et tout ça, mais on a réussi à trouver la quantité d'urine qui se trouve dans les piscines. Donc, on a fait une étude, en fait, qui contient plusieurs endroits spécifiques et on a mis tout ça ensemble et c'est une piscine de 830 000 litres, soit le tiers d'un bassin olympique qui contient en moyenne 75 litres d'urine. Tandis que les plus petites piscines, eux, contiennent en moyenne 30 litres. Et c'est ce que révèle, en fait, une étude de l'Université de l'Alberta. Et pour arriver à ce résultat-là, on a fait un prélèvement sur 250 échantillons dans 31 piscines et des spas de deux villes canadiennes différentes. Mm-hmm. Hey, 830 000 litres. Urine trouble, comme on dit. C'est un petit peu dégoûtant. Ouais. Après avoir lu cet article-là, je me suis dit, plus jamais je mets mon corps dans une piscine publique. Ouais, en même temps, c'est dilué. Puis les piscines sont nettoyées avec du chlore. Oui, mais... filtrage, puis... On s'entend, il y a une variété déjà de produits chimiques qui est composée dans notre corps, qui est là, et ça se retrouve dans les bassins publics lorsqu'on décide d'aller se baigner. Donc, les fluides corporels, ça nécessite... ça nécessite quand même des analyses qui sont constantes de la qualité de l'eau, mais la recherche qui a été publiée dans le journal Environmental Science and Technology Letters indique qu'il y a beaucoup d'urine en soie qui est stérile. Donc, son mélange avec les produits de traitement de la piscine peut représenter un risque pour la santé des baigneurs et un autre pourcentage qui n'est pas nécessairement un risque parce que justement, comme tu le disais, il y a tellement de produits dans les piscines que ça fait en sorte que ce pourcentage-là se dissout et ne devient pas nécessairement une menace, tandis qu'il y a un autre pourcentage de cette urine-là qui est beaucoup plus difficile à gérer pour les produits chimiques qui se retrouvent dans les piscines. Donc, il faut faire attention et surtout, il faut se rappeler de ne plus faire pipi dans les piscines. Retenez-vous, c'est pas dur. Il y a des toilettes tout le temps. Exact. Puis quand même bien que t'aurais froid pendant 2 secondes et demie pour aller faire pipi. Pas chouette. Au moins, hein, tu fais pas pipi dans une piscine publique. Ouais, t'es-tu fier de toi, là? Tu es capable de dormir la nuit, là? Avoue. Hein? Demande ça à la personne qui fait pipi à côté de toi dans une piscine publique. Sérieux. Es-tu en train de faire pipi présentement? Je vous... Je veux pas savoir la réponse. Je vous mets au défi de le demander une fois. Il y a Uber qui fait encore une fois parler, bien évidemment, parce que on est un petit peu en crise, en fait. On attire encore une fois l'attention pour les mauvaises raisons avec la diffusion d'une vidéo dans laquelle le PDG d'Uber, Travis Kalanick, se dispute avec un des chauffeurs de l'entreprise. Et il n'y a pas de doute, le service de transport connaît quand même une dure année cette année pour 2016. Et la scène qui a été captée au début de février à San Francisco par une caméra placée sur un pare-brise et pour le moins disgracieuse parce que le grand patron d'Uber, qui s'appelle Travis Kalanick, sermonne justement un des chauffeurs qui a osé le critiquer, lui. Donc, certaines personnes n'aiment pas prendre la responsabilité pour leur propre... dans le vidéo, ils disent merde. Mais pour leurs propres, pour leurs propres affaires. Et ils blâment quelqu'un d'autre pour tout ce qui leur arrive. Donc, le PDG de Uber a tout simplement lancé au chauffeur « Bonne chance ». Et il a lancé ça à un chauffeur du service haut de gamme de Uber Black, qui vient justement de l'accuser de le pousser à la ruine en réduisant les tarifs facturés aux utilisateurs. Ça a été publié un petit peu partout sur Internet et la vidéo a contraint le PDG de Uber, qui a 40 ans, à se confondre en excuses dans une note publiée sur le site web d'Uber pour le chauffeur en question. Et c'est peu dire qu'il a été, qu'il a extrêmement honte. Il est évident que dans cette vidéo-là, ça ne reflète pas la personne qu'il est. Les critiques qu'il a reçues sont un rappel brutal qu'il doit changer fondamentalement comme leader et devenir un adulte. Ouais, à 40 ans, hein? T'as 40 ans, man. Ouais, t'as 40 ans. Mais bon, c'est la première fois qu'il est prêt à admettre qu'il a besoin d'aide sur le plan du leadership et il a l'intention d'obtenir cette aide-là. Donc, ça pourrait peut-être justement donner une nouvelle lueur d'espoir à la compagnie qui est Uber. En même temps, ça pourrait leur nuire aussi parce que le hashtag Delete Uber a été popularisé après cet événement-là. Donc. Oui, exactement. On parle aussi que Uber a eu d'autres crises durant la dernière année. On parle de sexisme, on parle de décret de Trump parce qu'à la fin de janvier, il y a plus de 200 000 personnes qui ont désinstallé leur application Uber en reprochant justement à l'entreprise de nuire à une grève de chauffeurs de taxi new-yorkais qui visait à dénoncer le décret anti-réfugiés du président Trump. Et Uber avait abaissé ses tarifs. On a tout simplement suspendu la tarification dynamique, ce qui donnait l'impression, en fait, de vouloir profiter de cette situation-là. Et au début de février, le PDG en question a quitté le conseil consultatif sur l'économie de M. Trump, ce qui évoquait le décret. Alors, on s'est comme pas aidé du côté de la compagnie d'Uber, mais il y a aussi les secrets commerciaux. Donc, la semaine dernière, c'est Google qui a intenté une poursuite contre Uber, qui a accusé un des employés de sa filiale auto, qui est spécialisée dans les véhicules autonomes, d'avoir volé des secrets commerciaux en emportant avec lui 14 000 fichiers qui appartiennent à sa propre filiale active dans le domaine Waymo. Donc, après avoir travaillé chez Google pendant près de 9 ans, Anthony Lewandowski a fondé Auto au début de 2016 et a vendu la firme à Uber en août pour 680 millions de dollars US. Donc, ça va pas super bien du côté d'Uber présentement, on a plusieurs chapeaux à devoir jongler dans toute cette négativité-là. Ouais. les jeux vidéo sur Internet et sur nos téléphones, surtout. Donc, le jeu vidéo sur mobile, c'est une industrie qui fait beaucoup parler. Pourquoi? On connaît tous Candy Crush, on connaît tous Pokémon Go, Farmville, Clash of Clans, je sais pas c'est quoi. Ouais, ouais. Mais le jeu vidéo sur téléphone intelligent, ça n'a jamais été aussi bien porté, ça n'a jamais été aussi un si gros acteur dans l'économie mondiale, on pourrait dire. Et il y a beaucoup de petits acteurs indépendants et de grands studios qui sont très bien établis dans ce domaine-là maintenant. Et dans les transports publics et dans les grandes villes, les jeux vidéo ont bien souvent remplacé le journal ou encore le livre. Tu sais, avant, on disait « je vais aller prendre l'autobus ». On avait notre journal sous notre bras, on avait aussi un livre. « Je vais aller prendre le métro », même chose. On avait, une revue ou peu importe. Mais maintenant, c'est très, très rare que vous allez voir ça. Vous allez beaucoup plus voir des gens qui vont être sur leur téléphone cellulaire, qui vont être en train de jouer justement à Candy Crush ou à Pokémon Go ou Mario Run. Exactement. Donc, il existait des milliards de joueurs sur portable avec l'arrivée du téléphone intelligent et la progression a été extrêmement rapide, extrêmement forte, surtout dans les pays qui sont émergents. Donc, le marché du jeu mobile a tendance un peu à se dépasser de celui des consoles de jeux vidéo dans les salons. Tu sais, par exemple, PlayStation 1. Là. La Switch sort demain. Oh. Ça fait combien d'années que tu n'as pas joué à un PlayStation 1 comparé au nombre de fois que tu joues à une application mobile sur ton téléphone? Ouais, mais je suis pas la moyenne. Là. Ouais. Non, c'est sûr et certain, mais on y va avec la moyenne, par exemple. Ouais, donc, sans surprise, les jeux vidéo figurent quand même aujourd'hui parmi les applications qui sont les plus utilisées par les utilisateurs de téléphones intelligents. Et la proportion, on parle aussi avec les messageries, les réseaux sociaux, les vidéos. Donc, selon les chiffres qui ont été publiés par la jeune entreprise App Annie, qui est spécialisée justement dans l'étude des usages sur les applications mobiles. Aujourd'hui, il y a 85% des revenus globaux sur les magasins d'applications qui proviennent du jeu sur les téléphones mobiles. La proportion va baisser, mais en 2020, on va être encore à 75%. Donc, c'est ça qui fait vivre un petit peu les applications mobiles. La raison majeure, en fait, c'est que l'industrie du jeu est celle qui monétise le mieux à travers le magasin. Donc, si, par exemple, vous voulez acheter une application... vous voulez vous trouver une application de dictionnaire sur votre téléphone, mais il y a plus de chances que vous allez vous chercher une application gratuite que si, par exemple, vous voulez jouer à un jeu où là, vous allez l'acheter. Okay. Donc, la différence, elle est là, et notamment l'intégration d'achat dans le jeu aussi, parce que si ça arrive parfois que vous allez avoir des jeux qui vont être gratuits, ouais, mais rendus à l'intérieur, pour pouvoir passer au prochain niveau, vous allez devoir vous acheter des vies ou peu importe. C'est traite, ça. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là, avec ces chiffres là qu'on calcule tout ça, et c'était un signe de l'importance du jeu vidéo selon Jen Haake, qui est le fondateur de Niantic et qui est l'éditeur de Pokémon Go, qui figure parmi les intervenants du Congrès mondial des télécoms de Barcelone, qui fermait ses portes un petit peu plus tôt cette semaine, et il disait que justement c'est une importance dans le monde de la technologie, ces fameux petits jeux vidéo-là par application, parce que ça crée des emplois, ça crée aussi de l'économie, veut pas. Donc selon lui, les bons développeurs ont de vraies bonnes opportunités dans ce domaine-là, et il n'y a pas besoin d'une importante force de vente, parce que veut, veut pas, il va toujours y avoir des nouveaux arrivants dans les jeux vidéo. Il va toujours y avoir des gens qui vont se dire « Ouais, mais je veux vraiment passer à l'autre niveau. » Fait qu'ils vont acheter le prochain niveau. Et les revenus des jeux s'accélèrent. En 2016, là, tout le monde chassait les Pokémon un petit peu partout dans les parcs et tout ça. Eh bien, on a passé la barre des 800 millions de dollars. Wow. Ce qui est 5 fois plus vite qu'un autre jeu qui est Clash of Clans, qui était là 2 ans plus tôt. Donc, quand on sort un jeu vidéo, la popularité d'un jeu vidéo sur application mobile, ça y joue pour beaucoup aussi. Mais... évidemment, il y a une preuve que le dernier grand succès du jeu sur mobile, et particulièrement à bien des égards, il n'a pas été vidé du reste de l'industrie des revenus. Donc, on doit quand même faire quelques études qui vont le comparer à d'autres applications ou comme ça, mais c'est quand même difficile de conserver l'attention des joueurs vers les jeux vidéo. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Donc, veut, veut pas, ce domaine-là est un domaine qui fait extrêmement beaucoup d'argent. Mm-hmm. encore une fois, du côté de la technologie, du côté de quasiment de l'informatique, il y a YouTube qui fait parler cette semaine parce qu'on va lancer un service de télévision en ligne qui va rivaliser avec le câble. Oui, oui, vous avez bien compris. C'est bizarre. En fait, on s'entend, là... Quand on parle de YouTube, on parle de géant Internet. Là. C'est une domination quasiment mondiale sur les vidéos sur Internet. Et ils ont annoncé un petit peu plus tôt cette semaine, c'est-à-dire mardi, ils ont annoncé le lancement prochain aux États-Unis. Donc, ça va partir ici, ici même, aux États-Unis, en fait, exactement, en Amérique du Nord, d'un service de télévision en continu qui va rivaliser directement avec l'offre traditionnelle des fameuses chaînes du câble ou à péage, comme par exemple, je sais pas moi, Vidéotron ici, ou ouais. Cogeco, ou peu importe, Illico, blablabla. Donc, YouTube TV, en fait, va cibler les jeunes générations qui cherchent à regarder de l'information, des films, des séries, tout ça grâce à un simple abonnement et une connexion Internet. Le service qui va être pour l'heure réservé aux États-Unis s'adresse à ceux qui veulent regarder ce qu'ils veulent, quand ils veulent, de à manière dont de ils veulent. Exactement, à l'intérieur de barème, bien évidemment. Et ces utilisateurs vont pouvoir notamment regarder sur leur appareil connecté, c'est-à-dire tablette, téléphone, à l'intérieur de la maison, les principales chaînes américaines comme ABC, CBS, Fox, NBC et aussi des chaînes de sport et d'autres programmes qui vont être détaillés par le groupe qui YouTube un petit peu plus tard, lorsque ça va se propulser. Ouais, seulement la chose qui va peut-être faire que les gens vont pas nécessairement s'abonner, c'est qu'il y aura pas les chaînes câblées payantes. Ça va être seulement les chaînes spécialisées qui appartiennent à un grand réseau. Donc, disons, tu vas voir ESPN parce que ça appartient à Disney, donc ABC, Disney et ESPN, ça va ensemble. Oui. Mais tu auras pas des trucs comme AMC, tu pourras pas regarder The Walking Dead, tu pourras pas regarder HBO pour l'instant. Il va falloir que tu payes à part. Donc, si tu payes $35 US pour ton système de YouTube TV, oui, et qu'il faut que tu payes un autre, je sais pas, ça peut être $10, $15 pour une autre chaîne câblée, ça finit par te revenir aussi cher que le vrai câble. Ah oui! Définitivement. Puis on parle aussi du but des programmeurs qui est actuellement de sortir en fait du modèle qui est traditionnel de l'abonnement à un nombre important de chaînes à partir d'une boîte qui est spécifique bien souvent. On veut se diriger vers la diffusion en continu de programme qui est choisi par les téléspectateurs, ouais, qui va être diffusé sur le support de son choix. Si j'ai comme l'impression qu'en fait de dire que c'est quasiment un Netflix mais avec des chaînes télé, c'est un petit peu la même chose. Et YouTube TV dit que ça va coûter au total dans les alentours de $35 US par mois pour un compte ouvert à 6 utilisateurs différents. Avec très peu de chaînes. Exactement, ça va venir concurrencer en fait les bouquets qui sont restreints proposés par par exemple AT&T ou Dish, ce genre de câbleaux distributeurs-là. Mais j'ai bien hâte de voir où ça va s'en aller, parce que j'ai comme l'impression que ça va tomber un petit peu comme un Netflix, mais à $35 par mois, je suis pas certaine qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont embarquer. Pas sûr, parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres systèmes comme ça, les Sling TV, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, c'est quoi le nom de l'autre? PlayStation View, qui offre ce même genre de système avec des petites chaînes de télé, parce que c'est toujours bon d'avoir du bruit de fond, là. Une télé, c'est cool pour ça, t'sais, j'écoute des chaînes de nouvelles live comme ça, c'est bien, mais c'est le fun de regarder les émissions que tu veux. Mm-hmm. Et c'est pas arriver au milieu sûr de l'émission non plus. Non. T'sais? Fait que je sais pas si c'est nécessairement le futur ou essayer de ramener le passé au présent. Mais je pense pas que ce soit le futur. Je sais pas, hein. Les chaînes de télé que t'achètes avec YouTube TV. Pas sûr. Quand même. Il y a Facebook aussi qui se lance dans un domaine qui est totalement différent de ce qu'il connaît en temps habituel. On s'apprête à servir un coup dur au site Internet de recherche d'emploi en lançant notre propre outil de recherche d'emploi qui va être complètement gratuit pour les entreprises et les travailleurs en même temps. Donc, on parle d'un nouvel outil qui doit être mis en ligne progressivement ici même au Canada, aux États-Unis aussi, à compter des prochains jours, pas des prochaines semaines, prochains mois, on parle des prochains jours. Un genre de LinkedIn. Exactement. Ouais. Booked-in. Exactement. Pardon. Donc, le déploiement pourrait s'étendre sur plusieurs semaines et c'est en fonction de la réponse des serveurs de Facebook au volume accru engendré par ce déploiement. On s'en a que si vous vous promenez sur Facebook, vous allez voir des publicités de justement des gens qui recherchent des emplois ou peu importe. Donc, on a vu cette espèce de demande-là sur Facebook et concrètement, les entreprises à la recherche de candidats vont pouvoir publier des offres sur leur page Facebook directement et les intéressés vont pouvoir apercevoir soit directement sur la page ou soit dans notre fil de nouvelles, ce qui va, selon, bien évidemment, être déterminé selon un algorithme. Oui, évidemment, si tu marques « Bon, je viens de perdre mon emploi à tel endroit en 2017 », ils vont savoir que tu as besoin de plus de publicité pour des postes. Exactement. Donc, les candidats vont pouvoir appliquer directement aussi en cliquant sur un lien, les informations sur leur emploi précédents et leurs études aussi, qui sont déjà visiblement publiquement en temps normal sur Facebook, sur nos profils, si vous avez décidé de toutes les rentrer. Bien, ça va être... Ou de ne pas les cacher, dans mon cas, j'ai caché pas mal d'affaires. Donc, ça va être automatiquement inséré dans le formulaire de candidature et ça va être possible de retirer certains éléments par la suite, si jamais ça vous intéresse. Et l'entreprise, elle, va recevoir les candidatures par le biais de Messenger et va pouvoir aussi y donner suite s'il y a lieu de la même façon. Donc, on va pouvoir maintenant appliquer sur des emplois par Messenger. J'espère que ça n'utilisera pas, pour remplir la section passion et temps libre de ton CV, que ça n'utilisera pas les likes que tu as mis sur Facebook, parce qu'il y a des affaires louches là-dedans. T'imagines? Hey, j'espère pas. Ouais. Mon Dieu, ça serait drôle. Mais quand même, on va y aller du côté, en terminant là, quasiment, on va y aller du côté santé un petit peu plus. C'est un article de Radio-Canada qui explique qu'il y a un urgent besoin de nouveaux antibiotiques pour 12 nouvelles familles de bactéries. Oh. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que... et quand je dis « on », c'est je parle de l'OMS. Ça n'a rien à voir avec ça. Exactement. On est en train de se rendre compte qu'il y a plusieurs bactéries qui résistent aux antibiotiques de plus en plus. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, a justement publié une liste cette semaine de 12 familles de bactéries contre lesquelles... on juge important et urgent surtout de mettre au point de nouveaux antibiotiques. Et pourquoi est-ce qu'on juge extrêmement important de mettre au point de nouveaux antibiotiques pour ces familles-là? C'est parce que justement, leur résistance est de plus en plus grande aux traitements actuels. Donc, l'OMS appelle donc les laboratoires pharmaceutiques à créer de nouveaux antibiotiques pour empêcher la résurgence de maladies infectieuses incurables. Parce que si on parle de bactéries qui résistent aux antibiotiques, ça veut dire que ça peut devenir des maladies qui vont être extrêmement... dangereuse, tout simplement, mortel, pour certaines personnes, mortelles surtout. Donc, on juge le risque critique pour 3 familles de bactéries. On parle des je vais sortir mon vocabulaire de scientifique. Les acinétobactères, les pseudonomas et les entérobactéries, qui sont la famille des E. coli, en fait. Et ces familles-là sont résistantes aux antibiotiques les plus récents, là. Donc, dans les derniers recours, ce qu'on a sorti dans les dernières années, c'est même pas assez bon pour pouvoir combattre ces fameuses bactéries-là. Et on est à l'origine de la plupart des infections graves en milieu hospitalier avec ces grandes familles de bactéries-là. Donc, la résistance aux antibiotiques augmente et ça épuise rapidement les options thérapeutiques par rapport à certaines maladies. Si on laisse faire le marché, les nouveaux antibiotiques, donc, dont l'OMS a besoin, dont les bactéries ont besoin, eh bien, c'est avec le besoin le plus urgent qui sera mis au point à beaucoup... ce que je veux dire, en fait, c'est que ça va devoir être fait extrêmement rapidement, dans une courte durée, parce que sinon, on ne saura pas quoi faire avec ces bactéries-là, parce qu'il n'y a plus aucun antibiotique qui fonctionne avec 12 familles de bactéries. Donc, c'est beaucoup. Et l'OMS, en fait, classe 6 familles d'agents pathogènes en priorité élevée. Donc, justement, sur ces 12-là, il y en a 6 qui sont comme cruciales. Et il y en a 6 autres qui sont... OK, on peut attendre encore quelques temps. Par contre, c'est sûr et certain que pour une compagnie pharmaceutique et surtout dans le domaine hospitalier, on ne veut pas mettre nos clients ou nos patients qui sont déjà là dans des situations où ils pourraient devenir encore plus malades parce que justement, ça peut venir en contre-indication avec déjà d'autres antibiotiques. Donc, si les bactéries se propagent comme ça parce qu'il n'y a rien qui les empêche de se propager, ben ça peut faire quelques dommages assez importants dans les centres hospitaliers un petit peu partout au Canada. Donc, c'est très important pour eux d'arriver à trouver justement des centres pharmaceutiques qui vont se pencher sur la question où justement on va essayer de développer des antibiotiques qui vont venir aider les Canadiens parce que c'est 250 000 Canadiens au total qui contractent quand même une infection où il y a bactéries et où il y a une possibilité de devenir plus dangereuse avec cette bactérie-là. 250 000 Canadiens, c'est quand même beaucoup. Et quand on y pense, bien, c'est des systèmes immunitaires qui peuvent s'affaiblir assez rapidement au Canada parce qu'on a une population vieillissante, surtout au Québec. Ouais. Donc, je dis ça comme ça. Si en plus les bactéries peuvent déjouer nos antibiotiques, ça peut devenir encore plus dangereux. Ouais. Je disais que j'allais terminer en santé parce que je vais aussi vous parler de la graisse brune. La graisse brune? Ben oui. En fait, c'est une avenue pour combattre l'obésité. On parle d'une activation de la graisse brune qui présente naturellement chez les humains et ça pourrait permettre de lutter justement contre l'obésité ou l'embonpoint. Donc, il faut développer des stratégies efficaces qui sont sécuritaires, qui sont réalistes pour permettre l'activation chronique de la graisse brune afin d'améliorer la balance énergétique chez l'être humain. On parle d'un débalancement chronique de seulement 50 à 100 calories par jour qui est maintenu pendant des années, ce qui explique en fait l'essentiel de l'épidémie d'obésité dans le monde. Et on pense que l'activation chronique sécuritaire de cette fameuse graisse brune-là pourrait faire partie des stratégies de la prévention de l'obésité et du maintien de la perte de poids aussi à long terme chez les sujets qui font de l'embonpoint. Donc, celui qui s'exprime et celui qui disait ces paroles, c'est Dr. André Carpentier, qui est un expert de l'imagerie moléculaire métabolique au Centre de recherche du CHUS, c'est-à-dire du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, justement. Et ses études sur la graisse brune ouvrent clairement la voie à un meilleur contrôle de l'épidémie de l'obésité, non seulement ici au Québec, non seulement au Canada, mais dans le monde entier. Donc, le docteur Carpentier travaille en effet sur la graisse brune, qui est un tissu adipeux qu'on croyait présent seulement chez les nouveaux-nés. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que jusqu'à récemment, la graisse brune a des effets sur le corps humain qui étaient méconnus. Et on sait maintenant que la graisse brune est présente et elle est fonctionnelle chez les mammifères hibernants, chez les nouveau-nés, mais aussi chez les adultes. Donc, il y a encore mieux à tout ça, c'est qu'elle pourrait même être utile dans certaines stratégies de contrôle du poids. La graisse brune se retrouve aussi souvent, la plupart du temps, dans le cou, au-dessus des clavicules, près de la colonne vertébrale et près du cœur. Donc, le tissu adipeux est brun parce qu'il contient beaucoup de mitochondries. Ce sont des petites fournaises qui fabriquent de l'énergie à partir du gras et du sucre qui se trouvent déjà dans notre corps. Et comment est-ce que ça se produit? En fait, c'est les mitochondries qui sont dotées d'une protéine qui permet de produire de la chaleur et ça va justement brûler directement les graisses qui se trouvent autour de ces fameux tissus-là. Et le corps, lorsqu'il est exposé au froid, eh bien, c'est la graisse brune qui consomme une quantité significative d'énergie qui est déjà stockée dans nos cellules sous forme de gouttelettes. C'est ce qui rend le tissu qui est si unique, si essentiel aussi dans la lutte contre le froid. C'est lorsqu'on a froid et qu'on commence à grelotter et tout ça, eh bien, ça serait en fait la graisse brune qui commencerait à faire son effet énergétique directement. Donc, cette graisse brune-là qui brûle certaines énergies pourrait être très bénéfique pour plusieurs personnes. La voilà. Graisse brune, ça me donne envie de gravy. À vous, hein? Ça me donne grand envie. Merci, Tania. Fait plaisir. Pour ton petit survol, les nouvelles, on fait ça les jeudis. Et Tania Esgolin, Tania, tous les jours de semaine à Assemblage Requis en général. Merci. OK, oui. On prend une pause musicale avant de continuer avec un minuscule segment d'une grosse pointe tendresse en l'honneur de Uber et de ses trucs de manifestation. Puis de, tu sais, voici Drive-By Truckers et Surrender Under Protest à Assemblage Requis. No sooner was it over Surrender Under Protest, Drive-By Truckers. La pièce qui fait penser à Uber pour Mathieu. Oui, Uber. Uber. Alors, autour de la pause, une petite portion, une minuscule bouchée d'une grosse pointe en dresse. Oh là là, j'ai hâte. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes toujours dans l'assemblage requis avec Tania Baudin et... Hey, Mathieu Plante! Oh, Mathieu, qui avait oublié d'ouvrir arrête, mon micro! Arrête ça! Mathieu Plante, il est super habitué, un pro, ça. Un vrai, vrai. Il nous reste encore une petite quinzaine de minutes, là, vraiment un petit peu moins que ça, une dizaine, je dirais, et on va s'essayer un nouveau format, une fois de temps en temps, pour une grosse pointe d'adresse. Donc voici une bouchée d'une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on parle de produits de fast-food, de produits dans les rangées malsaines de votre épicerie, de votre dépanneur, de votre pharmacie, peu importe. J'ai pharmacie parce que c'est là que je magasine bien des affaires. En effet. Mais bon, la plupart des gens, je pense, diraient pharmacie ou dépanneur ou épicerie. Bref, aujourd'hui, format particulier, on n'a pas de produits à goûter, malheureusement. Je te le mets tout de suite en pleine face, on n'a pas de choses à goûter. Par contre, on va se faire un petit blitz de Spotted. OK. Des produits en bref, là, sans détails, sans nouvelles de fast-food, c'est vraiment juste des produits que vous pourrez peut-être ou peut-être pas acheter dépendant du pays, dépendant de l'article. Donc, on commence avec un article assez récent qui vient du Canada. Peut-être avez-vous croisé les Hershey's Cookies and Cream Mix et O. Henry Mix. On avait déjà vu les Reese's Mix, mais maintenant, on a donc Cookies and Cream. C'est donc des biscuits et crème Hershey avec des biscuits de biscuits, bouchées de biscuits au chocolat, bouchées de biscuits à la vanille, oui, et mini bretzel. Alors que les O. Henry Mix, c'est des caramels enrobés de chocolat, de morceaux de chocolat au lait, des arachides, du beurre d'arachide et des mini quoi? Mini... Le sac est mal posé. Mini bretzel. Ouais. Mini bretzel. Mini bretzel. Et c'est au Canada. Donc, trouvez ça. Ça vient de sortir à la fin du mois de janvier. Ensuite, Philadelphia Cheesecake Cups. Donc, ceux qui aiment le gâteau au fromage et qui d'habitude le font avec du Philadelphia, vous allez pouvoir vous procurer bientôt en petit verre, en petit contenant, des Cheesecake Cups. Et ce qui est le fun, c'est que c'est deux compartiments. Donc, t'as le gâteau au fromage, le genre de. Ouais, c'est du gâteau au fromage, c'est pas vraiment du yogourt, là. C'est du Philadelphia mélangé avec d'autres trucs. Et dans un autre compartiment, par exemple des fraises, par exemple du chocolat. Donc vous pouvez mélanger, faire votre propre mélange, doser plus de chocolat, plus de fromage à la crème. Donc magnifique. Et ça, c'est aux États-Unis. Ah, ben oui, évidemment. Évidemment. Pour l'instant. On vient au Canada avec les Nestlé Cookie Dough Kit Kat Chunky. Est-ce que t'as vu passer ça? Non, Kit Kat Chunky à la pâte à biscuits. Ça doit être génial, j'en veux. Donc c'est disponible en ce moment au Canada. Je ne l'ai pas encore croisé. Ça va avec les autres modèles spéciaux de Kit Kat, là, au beurre d'arachide, au chocolat blanc, au caramel, etc., etc. Ensuite, aux États-Unis, Pringles Buffalo Blue Cheese. Okay. Fromage buffalo, fromage bleu. Ouais. Hein? Donc présentement disponible. Non, je suis pas sûr. Je sais pas. Je l'essaierai, mais je me demande si ça goûte vraiment le fromage bleu qui a un goût assez particulier. Toujours aux États-Unis, édition limitée, c'est des croustilles de pita, mais trempées dans du chocolat noir. Tu te rappelles, il y a quelques... en fait, tu t'en rappelles pas parce que c'était avant toi, mais il y a quelques années, on avait goûté des chips, il me semble. Je me rappelle pas si t'avais J'ai déjà goûté à ça. Chips trempées dans le chocolat, mais là, maintenant, avec des croustilles de pita. Miam! Avec un petit côté salé, là, on voit les morceaux de sel. C'est écrit chocolat noir et sel de mer. J'ai été surpris hier, j'ai une barre de chocolat chez moi qui dit caramel et fleur de sel, puis en anglais, ça dit sea salt. Donc, la fleur de sel et le sel de mer, c'est la même chose. Ah? J'étais pas au courant. Moi non plus. Ensuite, un autre Spotted. Lequel est-ce que j'avais choisi là-dedans? C'était, je crois, les mini bagels party cake avec des sprinkles sur les bagels. Ben oui, toi. C'est un peu spécial. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans cette liste-là? Croustilles de bagel. Oh, j'aime ça. Croustilles de bagel au chocolat noir et aux morceaux de canne de bonbons. Oh, miam! Ça a l'air bon. Vous pouvez vous en faire, évidemment, vous aussi, avec vos propres bagels. Il y en a aussi au chocolat blanc avec menthe. Et je pense que c'est à peu près ça pour cet article-là. Ensuite, un autre spot. Qu'est-ce que c'était, celui-là? On parle, tiens, de bartendes, mais XL. Tu sais, on trouve tout à que les bartendes sont pas assez grandes. C'est vrai. Donc, Nature Valley sort les XL bars sucrés-salés, par exemple... au chocolat, aux noix et aux graines de tournesol. Oui, XL Bar, ça a l'air excellent. Sinon, Je pense que c'est à peu près ça pour ça. Je suis contente. Oui, j'en veux de ça. Un autre spotted, les Yoplait Dippers. Tu sais, le yogourt, c'est fun. On peut faire des trempettes avec ça, mais on peut directement tremper ici dans du yogourt Chipotle Ranch et yogourt grec sans gras, oui. Mais avec des tortillas qu'on peut tremper dans le yogourt. J'aurais jamais pensé faire ça. Mais ça se fait. Les Yoplait Dippers. Yogourt ranch, miam. Tortillas, miam, en effet. Je pensais que du yogourt nature mélangé avec d'autres des épices, des trucs comme ça pourrait fonctionner aussi. Mais bon, là, on les vend en déjà fait. Déjà, pas mélangé, mais déjà, ouais, déjà mélangé. Ensuite, Kellogg's Raisin Bran Crunch Apple Strawberry Cereal. Tu sais, les Raisin Bran, ils ont différentes... tu peux avoir des Raisin Bran. Oui. Tu peux avoir... Qu'est-ce que tu as de similaire? Des Frosted... Pas des... des Frosted Flakes, ouais, tu pourrais avoir ça qui ressemble un petit peu... Ouais, quand même. Ouais, si on veut. Maintenant, ils ont essayé de mettre tout ensemble. Donc, Raisin Bran, Crunch, donc très croustillant avec des morceaux d'avoine, des pommes et des fraises. Aïe, aïe. C'est disponible en ce moment aux États-Unis, fait avec de vrais fruits. J'ai vu passer la photo sur Internet cette semaine de quelqu'un qui a vraiment réussi à... Ben, pas réussi, non. J'ai séparé les genres de cornflakes semis des Raisin Bran et les raisins pour les mettre de côté pour voir s'il y avait vraiment deux pelletés de raisins secs. Oh. Et c'est même pas une petite pelle. La petite pelle a à peine genre un fond pour de raisins secs. Donc il n'y a pas deux pelletés de raisins secs dans les Raisin Bran de Canada. Ah ben mon Dieu. Ouais. Un autre spotted, cette fois-ci, c'est quelque chose qui va certainement être déjà disponible ou bientôt au Canada. Non. C'est les brioches Grands de Pillsbury. Mais je pense que j'ai faim à matin. À la cassonade. Oh my God. Maple Brown Sugar Rolls. C'est nouveau avec glaçage à l'érable. J'ai tellement envie d'essayer ça. Et c'est des Grands, donc des grosses brioches. En plus. Oui. Donc c'est disponible aux États-Unis sûrement ici bientôt. Moi, ça me rappelle quand j'étais jeune à un certain moment, le lendemain de Noël, tu sais, genre le 25 au matin, là, c'était ça. Ah oui, hein. Pour manger. Ça se fait tellement vite en plus, c'est le fun. C'est tellement bon. Ensuite, on parle, ben évidemment, celui-là, vous l'avez vu, là, c'est pas pour ça que je l'ai choisi, là, les Chips Ahoy en œuf Cadbury. Vous avez vu les Oreos, vous avez vu ça aussi, mais je voulais te demander qu'est-ce que toi tu mettrais comme nouveau œuf Cadbury l'année prochaine? Hey, c'est une Twinks, bonne question. J'aimerais ça, mais faut aller voir Cadbury, qu'est-ce qu'ils font comme produit. C'est vrai, hein? Cadbury Canada. Pour qu'ils trouvent de nouvelles recettes pour leurs œufs, même si là, il y a Chips Ahoy comment on appelle ça? Voyons. Fudgio. Fudgio. Au chocolat, il y a ça. OK. Il y a celui au caramel, Cadbury. Caramilk, oui. OK. Donc, il resterait, je sais pas, je regarde ici, Wonder Bar. Mr. Big. Ouais. Crispy Crunch. Oh, Crunchy. OK. C'est Cadbury qui fait Crunchy. Fait que toi, tu ferais un œuf au crunchy. Avec la tire d'érable dedans, là, genre. Ouais, OK, pas fou. C'est mon point, moi, je dirais ça. J'essaie de voir. Il reste les mini eggs, Wonder Bar, Mr. Big, Cadbury Minis, les Marvel's Creations et le Dairy Milk traditionnel. Il y a comme rien avec de la menthe. Je suis un peu triste. Je suis d'accord, non. Mais j'irais avec... Mr. Big. OK, oui, j'approuve. Ouais, Mr. Big. Et j'essaierais peut-être les mini-eggs, mais en gros. Ah, ouais. Pourquoi pas, c'est bon, les mini-eggs. J'avoue. Ouais. Ensuite, continuons avec un autre spotted. C'est le spécial spotted d'une grosse pointe à l'adresse. C'est des Captain Crunch Blueberry Pancake Crunch, édition limitée. Ça a l'air bon. C'est aux États-Unis seulement, donc des Captain Crunch avec saveur de crêpe et bleuet. Donc, j'imagine que c'est bleuet et un petit peu de sirop d'érable en saveur, évidemment. Donc, Captain Crunch. Ensuite, aux États-Unis encore, un spotted des œufs Reese's Peanut Butter Cream. Mm-hmm. Ça existe, mais j'ai jamais vu ça ici. Donc, Reese's dans un œuf de Pâques. Tu peux pas demander mieux, je pense. Je me rappelle d'avoir essayé les œufs de... comment t'appelles ça? Voyons. Ah, aux rivières, Laura Secor. Mm-hmm. Oh mon Dieu. Moi, je les ai pas aimés. Ah non? Je les ai pas aimés du tout. C'est pas mon maître. J'ai trouvé ça dégueulasse. Je l'ai jeté même. T'as peut-être remarqué les barres tendres Nourish de Special K. Mais maintenant, ça va disponible en bouchée aussi. Tu peux les avoir en bouchée. Ah ouais? Nourish Special K. Il y a aussi des bouchées de protéines Special K. Donc, ça, c'est dans l'article que je vous ai passé sur assemblagerequis.com. Ensuite. Continuons avec les Cheez-It Duos. Donc, ici au Canada, on a les Ritz. Aux États-Unis, ils ont les Cheez-Its. Et maintenant, en duo, donc, tu as des craquelins d'un côté bacon et de l'autre côté cheddar, sont mélangés dans la boîte. Et tu as jalapeno et de l'autre côté cheddar jack. Donc, une bonne formule qu'on pourrait adapter ça doit être excellent. Au Canada. Ça n'a pas la même forme que les Ritz, malheureusement. Non, en effet. Ensuite, tiens, Folgers, j'aime... Moi, mon café préféré à la maison, c'est Folgers. Oui. Je les ai tous essayés, celui qui me donne le moins de brûlement à l'estomac, et je trouve que le goût est vraiment parfait. Et bien maintenant, ils sortent une version rétro, c'est Folgers Classic Roast, dans une canne qui a l'air très, très vieillotte, là, avec des bosses dessus, puis tout ça. Et t'as le design qui est très, très vieux jeu aussi, ça fait un petit peu western. T'as vraiment l'impression de boire, de prendre du café dans une canne qui date des années 50 environ. Donc, moi, j'adore ça. En fait, c'est 1850 qu'ils disent. Mm-hmm. Donc voilà, Folgers Heritage Edition, encore une fois seulement aux États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur cette page-là? Non. Passons à Milka Oreo Choco Mix Snack Mix. Hein? Un peu comme ici, on a les Cadbury Marvelous Creations. Et bien, aux États-Unis, la compagnie Milka a sorti les Oreo Choco Mix. Donc, tu as des Oreo, des mini Oreo noirs avec la crème blanche, des dorés avec la crème blanche aussi. Ouais. Et tu as des pastilles de chocolat noir et jaune dans le même emballage. Ça irait à merveille, des candy buttons, comme on appelle des fois. Ensuite, Hershey's Cupcake Kisses. J'imagine que c'était pour la Saint-Valentin. Donc, c'est des kisses qui sont tout ce qu'il y a de plus simple qu'avec des petits cœurs dessus. Okay. Cupcake Kisses. Rien de plus à dire. C'est tout. White Cookie Cupcake, donc j'imagine que c'est au chocolat blanc. Voilà. Saveur de cupcake. Voilà. Saveur de cupcake. Dans le même genre, les White Cheesecake M&M's, donc des M&M's au gâteau au fromage et au chocolat blanc. Ah, miam. En pastille rose, genre de petit jaune crème, le blanc cassé et blanc traditionnel. Miam. Ensuite, mon prochain, est-ce qu'il fonctionne si je l'actualise? Oui, c'est des Very Berry Cheerios Cereals. C'est sûr que vous allez voir ça au Québec bientôt. Ben oui, c'est clair. Si c'est pas déjà fait. Donc, des Cheerios Very Berry au baie avec de vrais petits fruits. Ça a l'air super bon. Ça a l'air très bon. Ouais. Ensuite, édition limitée, Haribo. Tu connais les petits jujubes Haribo? C'est des petits oursons en genre de gelée. Aux cerises, là. Ben, c'est ça, aux cerises, exactement. Et tu peux voter maintenant entre cerises et melon d'eau et pommes. Pour garder une des saveurs sur le site de Haribo, voteharibo.com. Je pense que j'irai pour melon d'eau. Moi aussi, melon d'eau, ça a l'air très bon. Sinon, pomme, cerise, pas ça. Pringles Loud. Donc, des Pringles un petit peu plus épicés qu'à l'habitude. Donc, t'as ici Spicy Queso, Salsa Fiesta et Cheesy Italian. Donc, ça dit que ça croustille plus, ça croque plus parce que les croustilles sont plus épaisses un petit peu. Ah, pour vrai. Et leur goût est plus intense. Chez Walmart aux États-Unis, édition limitée, c'est les Strawberry Oreo Cupcake. Donc, on ajoute encore une autre saveur au Oreo. L'article date de décembre, donc j'imagine que c'est encore disponible aux États-Unis. Mais t'as, c'est comme fait pour goûter la fraise enrobée de chocolat. Donc, t'as la crème au chocolat et à l'intérieur, t'as juste un petit rond de fraise. Donc, quand tu prends les rebords, c'est seulement chocolat. Et quand tu mords au milieu, t'as le côté fraise. Snyder's of Hanover, tu connais les bretzels Snyder's of Hanover, on les voit souvent à l'épicerie. Et bien maintenant, à la place de mâcher toi-même tes propres bretzels, ils te donnent en morceaux avec les pretzel pieces. T'en as au chili et à l'ail, donc chili doux. Et t'as aussi butter ranch, buttermilk ranch, donc ranch et beurre. Et t'as aussi leur snack mix aux ailes buffalo. T'as leur snack mix au miel et moutarde. T'as leur classique hummus, donc c'est des petits bretzels avec à l'intérieur, c'est comme des sandwichs Ritz, à l'intérieur t'as de l'hummus. T'as aussi leur même principe, sandwich avec de la saveur de pizza à l'intérieur. Miam. Donc voilà, c'est tout, on va arrêter là, mais je trouve qu'un petit blitz une fois de temps en temps de Spotted, ça fait du bien. Ok, oui. On reproduira l'expérience une fois de temps en temps, mais les liens sont sur les notes de l'émission numéro 1075. C'est là-dessus que se termine l'assemblage requis pour aujourd'hui, pour la semaine triste. C'est très triste. T'es triste pour vrai? Est-ce que t'as une... T'es triste. Petite émotion. Oui, une petite émotion. Minuscule émotion. Minuscule. Alors, merci Alex Marchand pour avoir participé à l'émission avec sa chronique de la GEQTR. Merci à toi, Tania. Merci à toi, Mathieu Blanc. Bien sûr. Ça fait plaisir. Lundi, à l'émission, on aura Sport et Filoché. C'est tout ce qu'on a lundi. C'est la semaine de relâche, donc on n'aura probablement pas beaucoup de chroniqueurs. Ouais. On va y aller au jour le jour pendant la semaine du 6 mars. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, bien sûr, à 9h30, s'en viendra Génie en Liberté, l'émission d'affaires publiques avec Samuel Girard et Stéphanie Rompré-Lanouette. À 11h, Patriote en action avec Marc-Olivier Dumas. À midi, la rediffusion du Mathieu Planchot. À 15h, la rediffusion de La Sortie de Second est à votre gauche. 16h, ça va être David Ferron qui va être en direct avec Lob Trotter. 17h, la rediffusion de Radio Sonic. Et à 19h, c'est le grand retour, Tania. Le très blues, ça c'est fou. Oh que oui, en direct ce soir. Denis Baudin. Et t'allais passer deux semaines dans le sud, bronzé, on revient. Mais pour le travail. Pleine d'idées. On l'a dit que c'était pour le travail. Oui, pour le travail. Il est allé où? Daytona. Floride? Oui. Donc, il y avait des palmiers? Oui. Donc, on peut lui faire entendre Century Palm? OK, oui. Avec Then You're Gone, comme dans Vlot, t'es parti? Hein? Mais là, t'es revenu. C'est ça. Et on se retrouve lundi à 6h30. Bye! Bon café, bon week-end!